Hey, bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du bilan de l'année 2014 de l'équipe Movies Nerd avec l'équipe Néocritique. Je vous conseille, avant d'écouter cette partie, cette deuxième partie qui commence direct sur le top 6, sur le numéro 6 dédié, et ensuite sur nos numéros 6 et tous les tops. Donc on finit le top cette fois-ci dans ce podcast, dans cette deuxième partie. On a deux heures de débat, vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont être discutées et on n'est pas tous d'accord dessus, donc ça fait des... Il y a bien deux petites heures de podcast pour cette deuxième partie, juste sur les tops, et puis après, la troisième partie sortira la semaine prochaine avec les flops, nos attentes pour l'année 2015... en termes de cinéma. Il y a aussi les bandes originales qu'on a aimées cette année, donc on a desservi un prix juste pour la bande originale. Et donc tout ça, ce sera dans la troisième partie qui sortira la semaine prochaine, quelque part entre... Enfin, la semaine prochaine, voilà, je veux pas donner de date précise parce que je suis même pas encore sûr de quelle date, à quelle date il va sortir et quand je pourrai le monter. Mais ce sera bien sûr la semaine prochaine, ça, il n'y a aucun souci. Je vous souhaite donc une bonne écoute et on se retrouve après, dans deux heures à peu près. Et donc je vais laisser la parole à Eddy, Morgane, Florian, Quentin et moi-même du passé pour vous donner la suite de nos top 10. C'est parti. Alors là, je vais faire deux heureux et je vais faire deux moins heureux. Interstellar de Christopher Nolan. Je connais pas. Je connais pas. Bon, attends, on va tout de suite dire notre numéro, comme ça, avec Quentin. Ouais. Donc, moi, c'est numéro 4. Et Quentin ? Et moi, c'est numéro 5. Ok, voilà. Interstellar parce que le thème me plaît énormément, le temps, ça m'a vraiment beaucoup touché. C'est l'une de mes expériences que j'ai préférées cette année dans une salle. J'ai vraiment vécu quelque chose. Enfin, j'ai vraiment eu la sensation de vivre un voyage au même titre que Gravity, Morgan, et que 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà, pour moi, c'est la l'affront ultime, quoi. C'est vraiment la fusion entre les deux. Mais je ne fais pas partie de ces gens qui classent Interstellar comme étant le nouveau 2001. Non. Encore heureux. À part l'espace, ils n'ont rien en commun. Et l'ambition, peut-être, quand même. Mais voilà, moi ça a été vraiment une grosse expérience et je m'attendais pas à vivre autant de choses avec un sujet pareil et surtout pas dans un film de Nolan en fait. Ouais. Donc je m'étendrai pas plus parce qu'on a déjà fait un podcast dessus. On va rester assez bref sur le sujet parce qu'on a fait un podcast en novembre, plutôt en décembre, comme d'habitude. Qui est formidable, ouais. Comme tous les autres. Et que j'ai écouté aussi. Mais oui, c'est très bien. Donc voilà, enfin. Comment il essaie de se rattraper. j'avais envie de. De vous taper, hein. Mais j'ai écouté quand même. D'accord. J'ai vraiment adoré. J'adore la science-fiction. Donc j'ai adoré ce film. C'est pas plus compliqué que ça. Ça m'a vraiment touché. Et puis voilà, de Nolan. Le plus surprenant en fait, c'était d'avoir de l'émotion dans un film de Nolan. Et pour une fois, il y en a. Et ça fait du bien. Voilà. Quentin, rapidement. Moi, ce qui m'a. Moi, ce qui m'a plu dans. Je suis un fanboy de Nolan et j'aime Nolan. Ouais. J'aime Nolan. Non, désolé, j'avais envie de le dire, mais c'est pas contre toi, t'inquiète pas. Je fais pas chier les autres avec mon fanboyisme. moi, ce qui m'a plu dans Interstellar, c'est le. C'est comme la dernière fois. Hein. C'est un diesel, Quentin, quoi. Non, c'est que le film, il n'y a rien. Oh, mais... tout. Mais quel salope celui-là, quoi. Il le met pour pas se faire taper, parce que Interstellar, quand on le met dans un flop, c'est un motif de meurtre. Réfléchis. Il n'y a pas qu'Interstellar, hein, qui a un motif de meurtre dans un flop, et ça. Florian, ah oui, effectivement. Ouais, ouais, t'inquiète, donc, je me suis fait assassiner. Florian. Je veux bien tuer mon patron ce soir. Non, mais j'avais bien galéré pour parler d'Interstellar au dernier podcast. La fois, donc, t'as vraiment adoré. Ouais, ok, donc moi, ce qui m'a... Ouais. Donc moi, ce qui m'a plu dans le film, c'est la force de chaque personnage. Donc des relations entre eux qui sont bien traitées. Donc par rapport aux autres films de Christopher Nolan, on traitait pas vraiment des relations entre les personnages. Les personnages n'étaient pas plus approfondis que ça. C'était des pions. Alors voilà, c'était ça. Enfin, c'est vraiment s'il avait son grand échiquier. Enfin, il mettait son scénario en œuvre avec des en utilisant les personnages. Alors, bon, alors je juste une pensée bref à tous ceux qui ont travaillé sur le film. Voilà. Donc en bref, Interstellar est un très bon film de science-fiction pour moi. Après, je l'ai pas dans mon top 3 non plus parce que il a des défauts. Voilà. Enfin, c'est n'importe quel film à part Gone Girl hein, cette année. Mais et voilà, j'ai beaucoup de... Ok, donc l'équipe néocritique va donner son numéro dans le flop d'Interstellar. Voilà. Donc, Morgan et... Moi, il est cinquième dans mon flop. Pour moi, ce que j'ai oublié. Je sais pas pourquoi il est beaucoup plus haut. Ouais. Il est quatrième. Ah oui, non, ça va. Quatrième. Pas beaucoup, mais il est quand même quatrième. Bon, c'est toi qu'on tuera et pas moi. Voilà. Donc on meurt d'envie de savoir pourquoi vous détestez ce film. Et juste comme ça, je te laisse commencer, Morgan, parce que je vais être beaucoup plus. Juste comme ça, le cerveau de Quentin est actuellement décédé. et c'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui le dit. Ah bah tant que c'est que le cerveau, c'est que moi. Une fois que le podcast va être mis en ligne, je pense que c'est moi qui va vraiment mourir par rapport à ce que je vais dire. Non, Interstellar, bah ça fait partie de. C'est peut-être ma plus grosse déception de l'année. Et pourtant, Dieu sait que j'attendais ce film-là. Je suis allé à l'avant-première, à la masterclass et tout. C'était formidable, très belle ambiance. Mais alors, douche froide totale en voyant le film, qui est, je trouve, noble dans son intérêt. C'est un film qui est très honnête. Nolan, là-dessus, je vais vraiment pas contredire ça. Il est très intègre dans sa démarche. Le film, voilà, il a fait ce qu'il avait envie de faire. C'est très bien. Maintenant, je trouve qu'en termes de science-fiction, il y a trop de science, c'est pas assez de fiction. Pour faire un petit clin d'œil à Durandal. C'est vrai que pour une fois, je suis d'accord avec lui. C'est ce qu'il a dit. Je trouve que c'est un film qui, il y a pas assez de cinéma, même si il tente beaucoup, notamment grâce vrai, à. Moi, je trouve qu'il y en a pas assez. Il y en a un peu quand même. Il y a des scènes qui sont touchantes, mais je trouve que Nolan s'essaye à l'émotion, même si je trouve que j'avais ressenti d'émotion pendant Inception avec l'histoire de Marion Cotillard, ça m'avait un petit peu ému. Là, je trouve qu'il en fait trop. Il est vraiment, il dose très mal ses scènes d'émotion. La musique d'Hans Zimmer, quand je l'écoute indépendamment du film, elle est somptueuse. Moi, je la trouve somptueuse. Mais je la trouve merveilleuse, cette musique. Quand je l'entends dans le film, je trouve qu'elle a c'est enfin renouvelé, je l'ai trouvé. Enfin... Pour moi, il est, voilà, c'est ça. Il renaît de ses cendres avec ça. Hans Zimmer. Bah, moi, je veux l'éteindre à nouveau, hein. mais c'est parce que je trouve que le. Bah, moi, je veux le foutre en feu. Dans le film. Les instants avec la musique d'Hans Zimmer, je trouve que c'est très lourd. C'est limite, c'est mièvre, quoi. C'est très pathos. Et c'est un film, ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est assez fumeux. Et je vais utiliser le terme qui va pas plaire aux gens qui vont nous écouter, mais prétentieux. Là, j'ai senti un peu de prétention de la part de Nolan, pas le même. lapsus. Et là, il y en a un qui va dire, oui, mais les lapsus deux vont... révélateur. Prétentieux va aux deux, hein, c'est ça, n'est-ce pas, Florian? non, je trouve que il y a trop de science, c'est un étalage, voilà, un étalage de théorie, qu'elle soit vraie ou pas, honnêtement, ça m'indiffère un petit peu, j'ai pas cherché, à m'étendre sur le sujet, mais vraiment, est-ce que ça m'a touché? Non. Et visuellement, j'étais surpris à trouver le film extrêmement moche. Si on veut absolument comparer ça à Gravity, qui est pour moi une hérésie totale, déjà parce que bon, j'adore Gravity, mais je trouve que objectivement les deux films n'ont rien à voir. Non, c'est pas ça. C'est... Non, attends. La nuance, elle est que avec Interstellar, et Gravity, c'est vrai, et 2001, c'est les seuls films où j'ai vraiment eu la sensation de voyager dans l'espace. Bah, moi j'ai voyagé. Je les compare pas en termes de. Moi, en termes de voyage dans l'espace, il y a d'autres films. Bah, Star Wars m'a fait voyager dans l'espace aussi, il n'y a aucun problème. Maintenant, ouais, Gravity, pas de la même manière. Pas de la même manière, effectivement. Interstellar, c'est plus, ça se veut plus comme une épopée spatiale et tout, alors que Gravity, c'était juste un film d'immersion. Mais pour moi, Star Wars, c'est une épopée spatiale. Bah, je trouve que Star Wars, ça a pas les mêmes, le même but qu'Interstellar. Ouais. Mais Interstellar, m'a pas fait voyager. Je me suis dit, j'avais envie de qu'on m'emmène parce que moi en plus les oui toi ça te passionne ça moi ça me passionne enfin je suis un dingue de l'espace ouais. Mais même en termes de mais c'est bizarre justement parce que tout ce que l'on voit dans le film est quand même très réaliste ça t'a même pas intéressé un minimum ouais. Alors réaliste je sais pas parce que je trouve que je suis jamais allé dans l'espace non mais je veux dire c'est par rapport à ce qu'on sait de l'espace quoi enfin le film a été fait à... J'aurais aimé qu'il me surprenne parce que même si c'est un film où voilà on voyage de planète en planète mais ce que Nolan nous montre dans ces planètes je trouve ça tellement attendu. Il n'y a pas un moment dans le film où je me suis dit, ah oui, d'accord, là, il me prend complètement à la gorge. Je suis surpris. Et j'ai pas trouvé qu'il y avait d'immersion. Et en termes de scénario, j'ai trouvé ça absolument prévisible. Alors que pour moi, la vague qui met 7 ans à arriver, pour moi, c'est l'un des plus gros moments de tension que j'ai vécu cette année, je pense. Ouais. En toute sincérité. De mon côté, donc je vais être carrément virulent, parce que pour moi c'est un navet. C'est la preuve que Nolan est un escroc en fait, parce que ça fait 3 films qu'il nous prend pour des cons à la suite. Depuis Inception, il nous prend pour des cons. Et Inception déjà c'était un raté. Je ne parle même pas de Dark Knight Rises. Dans quel sens il nous prend pour des cons, en fait? Parce que, en fait, le mec, il vient nous faire des trucs ultra ambitieux. Alors, il fait des trucs grandiloquents, avec de la grosse musique, avec des gros scénarios où il y a plein de trucs imbriqués les uns dans les autres. Et au final, pour avoir un vieux twist foireux à la fin, pour se le raconter et faire parler de lui sur les forums sur Internet. C'est vraiment le genre de mec que je supporte pas en ce moment dans le cinéma américain, qui est vraiment en train de se regarder de nombril. Mais je crois que le pire d'ailleurs, c'est son frère, parce que son frère est complètement risible dans tout ce qu'il écrit. Mais Interstellar, c'est vraiment un film. Bon, déjà, c'est laid à regarder. J'en parlais avec un ami qui me disait, c'est plan rapproché épaule le film. Parce qu'il n'y a pas un seul film, il n'y a pas un seul plan d'ensemble dans le film, ou alors il y en a 3. On est tout le temps en gros plan, on est tout le temps cadré au niveau de l'épaule, donc du coup, tu es tout le temps enfermé, franchement, dans une grande salle, sur un écran géant, voir des gens cadrés de près, face caméra, c'est vraiment insupportable au niveau des yeux. Et l'étalonnage est dégueulasse, quoi. C'est vraiment c'est grisâtre, ou alors on dirait que c'est suintant. On dirait que les peaux elles suintent. Enfin, c'est il y a juste la partie entre guillemets sur l'introduction sur Terre qui m'a plu. Enfin, moi, je trouve que c'est super beau. Hein. Parce que il y avait des idées en fait scénaristiques, c'est-à-dire qu'il y avait des idées sur la volonté, sur l'idée de pionnier. Sur l'idée d'aventure, sur l'idée de. Sur plein de trucs, en fait. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Je le sentais en plus. Je me suis dit, quand ça va partir dans l'espace, ça va partir en couille, le film. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait un vieux truc sur l'amour à travers le temps. Mais ça mérite la pendaison, quoi. C'est tellement mauvais, quoi. Mais c'est mauvais. Mais dans quel sens c'est mauvais? Dans quel sens l'amour à travers le temps, c'est mauvais? Mais parce que c'est vu et revu, quoi. Mais qu'est-ce que c'est lourdingue comme film? C'est insupportable. On est tout le temps à voir le truc arriver à 10 minutes en avance. Tout ça pour avoir un vieux twist foireux qui veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Moi, je pense qu'on a vraiment pas vécu le film de la même façon. En partant pas forcément avec des a priori, mais non, pas. Je l'attendais pas du tout le film en fait, parce que Nolan me déçoit de plus en plus. Et avec ce film là, au début, je me suis dit ah c'est plutôt pas mal et tout. Et ensuite, Mais comment il perd totalement le contrôle? C'est une sorte de, d'accident industriel, quoi. Où déjà, mais visuellement, ben, il n'y a pas d'idée. Y a pas, c'est pas parce que tu mets une formule dans un ordi pour que ça fasse un trou noir en 3D que ça fait de toi un génie. C'est pas les planètes qui nous montrent. Ben, c'est comme dans Star Wars. T'as une planète déserte, t'as une planète aquatique, t'as une planète ceci. Ben, là, c'est pareil dans Interstellar. Super pour le voyage onirique. T'as un vieux twist, t'as une vieille histoire d'amour pourrie entre Anne Hathaway et McGonaghy. Au niveau de l'émotion, qu'est-ce que c'est pathos, c'est lourdingue, c'est mal amené parce que il sait pas faire de l'émotion autrement que par des vieux chants contre chants avec ses limites, s'il serait pas en train de filmer la seule larme qui est en train de couler en gros plan sur le visage. C'est absolument abominable à ce niveau-là, et il y a évidemment des gros acteurs héroïques, et parce qu'il en faut, et je comprends même pas en fait l'intérêt du film, parce qu'il ne raconte rien. Il raconte rien, on ressent rien. Le twist avec apparemment Matt Damon, ça surprenait tout le monde. Bah ouais, bah c'est une star de plus. Qu'est-ce que ça peut faire et rajouter au film? Bah rien. Surtout que c'est un antagoniste. À la base, c'est un bon acteur. Là, il joue très mal. Il joue vraiment comme un robot. Là. Matt Damon n'a jamais été un bon acteur. Franchement, je trouve qu'il joue vraiment très mal. En plus, par moments, ça se permet de se la jouer 2001, notamment la scène où il va dans le trou noir, justement. Et la musique. Mais la musique. Mon Dieu, la musique. Abominable. C'est atroce. C'est absolument une souffrance de tous les instants. C'est la répétition jusqu'au vomi en fait de la musique, quoi. C'est le thème, on te le ressasse au maximum jusqu'à ce que t'en puisses plus, quoi. Moi personnellement, j'ai eu mal à la tête à chaque fois que j'ai été le voir deux fois. La première fois j'ai été le voir justement à cette fameuse masterclass. J'étais au milieu de la salle, enfin genre 4e, 5e rang. J'ai eu un mal de crâne, pas possible, une migraine monumentale. C'est le genre de film que je supporte pas parce que ils se disent le mec a payé 10€, alors il faut mettre de la grosse musique et des gros sons pour que ça fasse. Alors mêler en plus des dialogues par dessus, c'est juste abominable au niveau du mixage son. Et quand je l'ai revu en fond de salle, c'était pareil, j'avais mal à la tête. Donc c'est vraiment comme Man of Steel qui était atroce à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est Hans Zimmer, je te rejoins sur Man of Steel, mais parce que Hans Zimmer avait fait la même chose, c'est-à-dire il avait mis des gros sons, des gros Man of Steel, c'était tout le temps. C'était insupportable. Et moi je trouve pas que ça soit le cas dans celui-là. Et pourtant quand on écoute le thème de ta salle de cinéma. Non, vraiment pas. J'ai vraiment pas eu cette sensation-là non plus. Mon Gaumont a pas de souci à ce niveau-là, hein, mais là pour le coup c'était atroce, quoi. Pourtant je trouve que le thème est correct d'Interstellar, même si là encore ça sonne très Philip Glass mais c'est probablement ce qu'a fait de moins pire, pas de mieux, mais de moins pire Hans Zimmer. Mais dernièrement entre guillemets, mais ça reste quand même assez mauvais, quoi. Ah, moi quand je disais que je trouvais ça visuellement moche, je veux bien laisser le bénéfice du doute parce que moi je l'ai vu donc à Paris au Mont-Marignan et c'était en 35 mm. C'est vrai que je n'ai pas tenté l'IMAX. Je signale que je l'ai vu en 4K pour la deuxième fois et que c'était toujours aussi moche. Il y avait juste le plan d'Anne Hathaway à la fin, plan d'ensemble où on la voit seule face au désert de la planète là où elle atterrit. Celui-là, ça faisait vraiment 4K, c'était beau, c'était précis dans le truc et ça n'avait pas ce rendu crasseux, quoi. Quand le 4K devient caca, voilà, c'est fait. Voilà, c'est ça. Oh, bon. je sais pas comment répondre à tout ça. J'aurais envie de pas répondre parce que je. Mais moi, ça va partir en couille. J'ai pas envie de ça. Mais moi qui n'a pas aimé, je suis plus nuancé que Florian quand même. C'est, pour moi, c'est je pas un bon film. Je pense surtout qu'on n'a pas vu du tout le. On n'a peut-être pas vu le même film. Mais on n'a pas vu le film de la même façon, surtout. Pour moi, c'est vraiment une manière de présenter au grand public, parce que c'est un film grand public, de présenter des choses qui peuvent paraître complètement barbantes dans un documentaire, par exemple. Et là, il le fait à travers des médiums simples, mais qui fonctionnent très bien, je trouve. À travers le médium d'une famille et tout. Et voilà, moi, ça me... Perso, je trouve ça complètement inutile, quoi. Enfin... Bah, pour, c'est pas, c'est pas une démarche inutile dans le sens où peut-être que, je sais pas, moi, je me mets à la place de quelqu'un, bon, que l'espace, ça peut intéresser, mais qui va pas forcément avoir la démarche d'aller se renseigner dessus, mais par contre, qui sera enclin à aller voir un film parce que on est dans le médium du film justement, et que c'est, on n'a pas la même approche entre un film et un docu. Moi, j'ai vraiment vu le film comme ça. Plus comme ça, et du coup, et en plus de ça, j'ai vraiment eu, pour moi, c'était de la vraie émotion qu'il y avait dans ce film, qui était tout à fait cohérente. Je veux dire, justement, je suis pas du tout d'accord avec ce que disait Morgan par rapport au côté il y a trop de science et pas assez de fiction. Moi, quand Matthew McConaughey regarde les messages qu'il a reçus pendant 21 ans. La pire scène du film. Pour moi, c'est de la fiction pure. C'est probablement une des pires scènes de 2014. J'irai pas jusque là, mais justement, moi, ça m'a pas touché du tout. Hein. Mais voilà, mais c'est, en fait, c'est ça. Je pense que c'est vraiment. C'est juste... Parce que j'ai trouvé ça vraiment pathos, tire-larme, boursouflé. C'est complètement indigeste. Voilà, moi, j'ai trouvé ça vraiment lourdingue. Après, c'est vrai que je suis pas un détracteur de Nolan à la base. Il y a des films qui auraient. Enfin, tu dis ça, mais alors à ce moment-là, je veux dire. Sandra Bullock qui pleure dans sa capsule, c'est tire-larme à fond aussi. Ah ouais, mais c'était tout aussi subtil dans Gravity. Ah Florian, je t'en prie. mais moi, l'un comme l'autre, j'ai ressenti des choses parce que c'est des émotions qui sont très vraies, je trouve. Il n'y avait pas du tout la même morale. Si on fait le parallèle avec Gravity, le pourquoi elle pleure dans la capsule, c'est parce que le film voilà, était. Mais je veux dire, c'est dans l'idée, tu sais, d'isoler le personnage et de le faire pleurer tout seul face caméra. Ah mais il y a plein de films où les personnages pleurent tout seuls face caméra et c'est bouleversant. Après je trouve que dans Interstellar, je trouve que ça a vraiment pas pris, quoi. Enfin, moi ça a pas pris. Quand tu pars dans l'idée, tu te mets à la place du personnage. Tu parce que on est dans le domaine de la fiction. Donc on peut tout imaginer. Tu te mets à la place du personnage, tu abandonnes ta famille pour aller dans l'espace. Tu te rends compte que tu arrives sur une planète où le temps a changé et que quand tu reviens, il s'est passé 21 ans que t'as donc loupé 21 ans de la vie de tes enfants. Tu reçois 21 ans de messages de tes enfants. Moi, je suis désolé, mais moi, ça m'a bouleversé. Mais viscéralement. C'est-à-dire que j'étais dans la salle, scotché au siège et avec le cœur lourd qui battait énormément et les larmes qui montaient, qui n'ont pas coulé, bizarrement. Mais voilà, moi, ça m'a vraiment pris au trip parce que peut-être, je sais pas, j'ai réussi à me projeter là-dedans. C'est ce que je fais à chaque fois que je vois un film. J'essaie toujours de m'identifier au personnage et tout. Et c'est vrai que dans la démarche, c'est ce que j'ai dit. Dans la démarche, le film, il est. Je peux pas attaquer le film dans sa démarche. Je trouve que la démarche est honnête. Nolan avait envie de faire quelque chose d'émouvant. Il a essayé de le faire et plein de gens ont été émus. Il y a aucun problème. J'ai peut-être un cœur de pierre. J'en sais rien. Mais c'est vrai que non moi l'émotion ça a pas pris du tout, quoi. C'est pas comme ça que j'aime être ému au cinéma, en tout cas pas avec ce genre de. Et moi pourtant j'ai horreur qu'on me force à j'ai horreur de ça, qu'on me force à pleurer au cinéma. Et là ça peut paraître forcé, c'est vrai, mais on va en reparler après. Mais voilà, moi ça m'a pas bref. Ouais. On va en reparler après. Parce que sinon on est beaucoup bref, c'est nul. Je vais avoir le dernier mot. Non, c'est très bien. On passe au numéro 6 de Quentin. Numéro 6. Alors ouais. Donc moi mon numéro 6 c'est La grande aventure Lego de Phil Lord et Chris Miller. OK. Qui est aussi mon numéro 6. Qui est mon numéro 5. Ah bon, bah allez-y alors. Donc, j'en parle ou... Vas-y. C'est comme tu veux. Non, ça va aller mieux, là. La rendez-vous sur Lego, c'est un film que j'ai beaucoup aimé pour ses multiples références à la culture. Enfin, pas seulement à la culture geek, mais à la culture en général. Il y a beaucoup de... Ça se moque de beaucoup de choses de notre société. Enfin... à travers ses messages, alors son message, le message final du film est très très beau. Moi, ce qui m'a plu, c'est son côté décalé et enlevé à travers son. Enfin, c'est un humour qu'on retrouve pas dans les autres films d'animation. C'est vraiment une empreinte que j'ai pas. Enfin, c'est une empreinte nouvelle en fait. C'est la marque Lego en fait qu'on voit à travers les jeux, en plus à travers les jeux vidéo Lego. C'est un humour qui est assez osé, je trouve. Enfin, qui me plaît beaucoup. Enfin, C'est pas un humour d'enfant. Hein. Non. Voilà, c'est ça, c'est un humour référencé et. Ça alterne les deux, je trouve. Bah, moi, je sais que. Des enfants que je connais ont été le voir, mes neveux, et ils ont pas compris. Ouais, mais beaucoup, ils ont pas aimé dans mon entourage aussi. De... Et ouais. Je peux comprendre qu'ils aient pas compris, justement. Et voilà, c'est un film que je trouve bien barré, très, très, très beau visuellement. Très, très beau visuellement. Avec des bons personnages, Emmett est absolument génial. Doublé par Chris Pratt d'ailleurs. Ouais. C'est bizarre. En VF, mais j'ai revu un peu en vrai. Ça lui va vraiment très bien. Tu VF, vas, Natal, alors c'est bon. C'est vrai? C'est... Oh putain, oui, non, c'est vrai. Ouais, et Arnaud Ducré. J'aime bien la VF. Ouais, moi j'aime bien la VF. Moi je l'ai vu en VF, elle m'a pas choqué. Ça sera la VO alors. J'ai bien aimé la VF de Emmett, j'ai aimé la VF de Coolside. Non mais ça va parce que t'as la chante pas du Jean-Jacques Goldman. Ouais, on aurait pu se taper Maud quoi, donc c'est bon. T'as quelque chose à rajouter Non, j'ai rien à rajouter. Bah moi c'est aussi mon numéro 6. Pour moi, voilà. Objectivement, le meilleur film d'animation de l'année, c'est celui-là. Mm-hmm. Celui qui m'a le plus surpris, parce que s'il y a bien un projet auquel je ne croyais absolument pas, c'était celui-là. C'est un film qui m'a... Je me suis pris une claque dans ce film-là. Une claque inattendue, je m'attendais à voir un film sympathique, un film bon enfant. Et je me suis retrouvé avec une putain de morale sur l'enfance, sur le passage à l'âge adulte, sur ce qui nous reste de notre enfance quand on est adulte, avec, je trouve que le film ose un twist à la fin, pour moi clairement il y a un twist, mais qui est incroyable. Le film, tout d'un coup, on passe du film d'animation génial avec tout ce qu'il faut en termes de réplique, de rythme, d'humour, de personnages et tout, à un chef-d'œuvre. Complètement intemporel quoi. Pour moi c'était vachement touchant dans ce que c'est un film qui fera date. Le passage de l'enfance à l'âge adulte. Moi c'est pour ça que j'ai aimé le film parce que du coup ça me fait penser aux réactions des gens quand je leur dis que j'ai encore beaucoup de plaisir à revoir mes Disney et tout. Ouais. Comme la VT et qui ne comprennent pas ça. Et voilà, exactement. Mais d'un niveau au-dessus hein. Pour moi vraiment Toy Story 3, c'est un chef-d'œuvre mais alors Lego il est clairement au-dessus parce que je trouve plus drôle et même les petites références et tout et aussi des personnages hauts en couleur, c'est des petits Lego mais ils sont grands par leur le Batman quoi, je veux dire c'était incroyable. Une c'est génial. La Batman c'est génial. Ouais. Tout est super génial, voilà. Ouais. C'est ce que j'allais dire en plus, tu vois. Je t'ai demandé. Pour moi Lego c'est le meilleur film d'animation de cette année. Subjectivement, j'ai parlé des contes de la princesse Kaguya en étant objectif. Lego, pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année. C'est un chef-d'œuvre intemporel, comme t'as dit. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment, ce film m'a bouleversé, m'a marqué. J'y repense beaucoup. D'ailleurs, je me suis acheté un petit t-shirt Spaceship. C'est vrai? Il y en a qui sont. Ah, trop bien. On va se le voler un que je porte jour. Fièrement. Et donc, j'ai vraiment adoré ce film. Toutes les blagues marchent. On avait fait un podcast avant que Eddie Quentin débarque sur le site. Justement, on en parlait. On était les seuls adolescents. Dans la salle, il y avait des grands-parents et des enfants, et on était les seuls à se marrer. Ce qui était difficile à croire pour un film d'animation. destiné normalement aux enfants. Mais là, c'était vraiment... enfin, l'humour que j'adore, c'est l'humour super référencé comme ça. C'est vraiment un truc au show américain. C'est vraiment... Ça enchaîne avec un rythme super soutenu. C'est génial, quoi. C'est super génial, voilà. j'ai pas trop grand-chose à dire à part ça. L'animation est géniale. Moi, j'admire les... Phil Lord et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Chris Miller, qui ont fait Tempête de boulets de géante, qui m'a aussi bouleversé, qui était vraiment super bien aussi, qui avait qui était en dessous de Lego bien sûr, mais qui était vraiment très très bien aussi dans sa critique, dans une autre critique de la société. Et ça c'était vraiment super. Et ce film encore, et puis ce rôle de Will Ferrell qui est vraiment génial aussi. Dans le film, même si je l'ai vu en VF, malheureusement. Ça spoil peut-être un petit peu, mais... Ouais. Non, mais... Non, mais s'il fait la voix de... Ouais. Moi, je m'attendais pas du tout à le voir débarquer. Il fait la voix du méchant. Ouais, voilà. Ah, donc, oui, c'est vrai. Tu vois, il fait la voix, donc on n'en dira pas plus. Voilà, il fait rien d'autre. Ouais. Non, mais là, c'est bon. Taisez-vous. Voilà. Donc, on a parlé de Lego, on va passer au numéro 6 de Morgan. Qui était La Grande Aventure Lego aussi. Oui, c'est vrai. Désolé. Je peux en reparler si vous voulez. Non, c'est bon, ça ira, je pense. Donc, Florian, ton numéro 6. C'était Heure, donc. Okay. Ah oui. Encore d'Eddie. Non, Axel, c'est bon, toi. Moi, mon numéro 6, c'était Les Gardiens. Ah oui, merci. Oui. Donc, on passe au numéro 5. Tu vois, ça va plus vite maintenant. Ouais, c'était pas con de faire comme ça, t'avais raison. Donc, on passe au numéro 5 d'Eddie, qui était X-Men Days of Future Past. Okay. Le film que j'aurais voulu mettre, mais que je n'ai pas pu. Parce que c'est vraiment la saga de super-héros qui me touche le plus. Mmh. Et là, pour moi, c'était vraiment. Ce film, c'est vraiment le coup de génie de Bryan Singer. C'est-à-dire que c'est un excellent film en lui-même, dans ce qu'il propose, dans ce qu'il raconte, mais c'est que c'est un excellent film aussi parce qu'il arrive à gommer toutes les fautes qui ont pu être faites dans d'autres films avant de la franchise. On parlera pas de Wolverine, on parlera pas. Mais je pense à Wolverine, oui, je pense à l'affrontement final, qui est un film que j'apprécie. Ben c'est un film que l'affrontement final, en fait, j'aime bien. Pour moi, c'est un bon blockbuster, mais par contre, c'est au sein de la franchise, il a des gros problèmes, en fait. Mais du coup, voilà, Days of Future Past reprend tout ça et le fait, mais très facilement. C'est-à-dire que bon, avec les voyages dans le temps, on peut tout supposer, en fait. Et voilà, c'était vraiment la bonne idée. Et puis moi, ça me touche, quoi, parce que c'est vraiment, c'est de toute façon, c'est. Enfin, pour moi, c'est une bande de héros qui sont touchants parce que ils se battent pour des causes vraiment nobles, plus nobles que ce qu'on peut voir par exemple dans les Avengers. Donc voilà, moi tout le discours derrière me plaît et puis à côté de ça, ça reste d'excellents films d'action très bien réalisés qui laissent de la place à l'émotion et à la dramaturgie. Donc voilà, pour moi, c'est carton plein, quoi. C'est vraiment, c'est voilà, c'est comme ça que devrait être. Tout film de super-héros, à mon sens. Mm-hmm. Tout film de super-héros qui se veulent un minimum sérieux, quand même. Je trouve que c'est un des moins pires de l'année dans le genre super-héros, mais c'est vraiment pas transcendant. Hein, je trouve. C'est chiant en termes de récit, je trouve. Mais après, ça reste intéressant parce que, quand même, Singer, il est quand même assez bon. Mm-hmm. Mais bon, ça surpasse pas First Class, quoi. Ah, si, moi je trouve que si. Je trouve complémentaire, moi, avec leurs deux visions différentes. Ouais. Celui de Matthew Vaughn était très old school, très old school et très sympathique, franchement. Qui était très sympa. Mais celui-ci très aussi, bon. Évidemment, parce qu'on. Celui-là, je trouve davantage profond, en fait, beaucoup plus profond. Mais ça veut pas dire que celui de Matthew était. Les personnages sont sous-exploités quand même dans Days of Future Past. C'est-à-dire que c'est pas évident. Il y en a trop. C'est ouais. le fait. C'est de la chair à canon. Ouais, mais le truc c'est que il y a des personnages que genre le professeur X du futur, Magneto du futur et tout, ils sont là, mais ils sont là parce qu'il faut qu'on sache qu'ils soient là. Parce que l'importance de leur personnage c'est justement d'être dans le futur et d'être vivant pour pouvoir permettre justement ce qui va se passer dans le passé. Je sais pas si j'étais bien clair. Ouais, je comprends. Mais en fait, voilà. Donc, au final, c'est vrai qu'ils sont là. On peut dire qu'ils sont un peu là parce qu'ils doivent être là. Mais c'est tout à fait ça. C'est la volonté du film aussi. Ouais. L'intérêt du film, c'est évidemment qu'on s'intéresse plus à Michael Fassbender et James McAvoy, leur alter ego jeune, enfin leur eux jeune. Donc voilà. Et si par contre, je voulais juste revenir à un truc, il y avait un truc qui m'avait choqué moi à l'époque, c'était Durendal qui avait fait une critique et qui avait dit que en fait, ça je voulais revenir dessus parce que j'ai trouvé les propos vraiment très très douteux sur le fait que Trask soit joué par Peter Dinklage qui est un nain. Mmh. Et Durendal disait, mais d'où est-ce que Trask est un nain? Et sous-entendait donc en gros, il le disait clairement, qu'en gros, Peter Dinklage, qui était un nain, ne pouvait pas jouer ce méchant-là. Donc à ce moment-là. Je vois pas en quoi non plus. Donc c'est pour ça que ça m'interpelle. Quoi. Alors si jamais il nous écoute, peut-être qu'il peut nous donner. Non, mais il doit avoir une bonne raison, réponse. C'est un futur grand metteur en scène. Voilà. Que moi, j'ai appris à le réapprécier un peu. Il y a des trucs qui font que je sais pas mon meilleur ami hein, mais voilà je comprends pas je ne comprends pas ce raisonnement. Ouais. c'est un peu du racisme, je suis désolé, c'est un peu de la discrimination. Oui. Bah moi quelqu'un qui pleure devant Lucie et qui n'aime pas Gravity ne peut pas être mon ami. Oui. Voilà, c'est bon. Bon, donc voilà, c'était bon. Juste ça m'avait interpellé. Mais Peter Dinklage est très bien dans ce film et dans tout ce qu'il fait de toute façon. Ouais. Voilà. Moi, ça m'a bien plu, mais ça m'a pas marqué non plus. C'était vraiment sympa, mais c'est pas. Moi, j'adore les X-Men, mais c'est juste. Ça aurait pas pris ma. Ça aurait... C'est un X-Men qui fait le travail. Ouais. Après, moi, c'est que c'est très personnel. C'est des héros qui me touchent énormément. Moi aussi, justement. Enfin, j'adore les X-Men, mais c'est juste que, enfin, j'ai préféré Gardiens de la Galaxie. Il fallait que je mette. Enfin, je pouvais pas tout mettre, voilà. Ben moi, j'ai vrai qu'entre les deux, je me suis dit ouais, mais X-Men m'a plus. Voilà. Ouais. Mais j'adore les Gardiens de la Galaxie. C'est vrai que le fond de X-Men est plus pertinent que les Gardiens de la Galaxie. Ça, je peux te la. C'est que c'est plus réaliste, ouais. Quoi. C'est. Non, et puis même dans le discours derrière. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est ce que je trouve plus réaliste. Ok, on était. Maintenant, je sais plus, au numéro 5. Ouais, donc Quentin. Ouais. Quentin, voilà. Bah, moi, c'est Interstellar. Ok. Oui. Morgane. Mon numéro 5. Mm-hmm. Alors, mon numéro 5, c'est Boyhood. Ah, bah, moi, c'est mon numéro 4. Donc, moi, je suis trop content. Je t'applaudis alors. Donc, vous allez en parler. Enfin. Moi je l'ai pas vu donc c'est un film que j'aurais voulu voir, je l'ai sur mon disque dur mais j'attends juste de le voir. Tu l'as téléchargé ? Ouais, ah bien. Non, mais... En VO j'espère. Oui. Ah, j'ai pas pu malheureusement aller le voir moi. Alors très intéressant Boyhood. Mais je te laisse parler Morgan. Alors intéressant oui parce que déjà je voulais le voir parce que voilà un film tourné sur 12 ans avec les mêmes acteurs et tout, ça pouvait que me plaire. Et surtout que ce film m'a plu, m'a bouleversé, m'a ému, m'a touché, m'a fait rire. Parce que clairement, et ça je pense que c'est pour cette raison-là que beaucoup de personnes ont apprécié ce film, parce que clairement j'ai vu ma vie pendant 2h45. Donc une raison totalement personnelle, c'est un film qui peut prétendre à l'Oscar du meilleur film, et je pense qu'il peut l'avoir, je pense que ça va être lui qui va tout rafler. Moi je serais super heureux qu'il le reçoive. Ouais parce que c'est pas un film académique, c'est un film qui, alors j'entends des gens dire il y a pas de scénario, mais la vie c'est un scénario, c'est un film qui est il ne se passe jamais, on peut pas dire qu'il ne se passe rien dans un film, c'est pas vrai de toute façon. Non. Ça dépend lesquels, mais c'est vrai. Non. Celui-là, je trouve qu'il arrive à capter notre attention par des petits détails, des choses qu'on a connues, par exemple, des choses totalement anodines, comme on voit une scène avec les enfants en train de jouer à la Game Boy Advance SP. Mm. On sait que ce n'est pas le réalisateur qui, en 2014, a été chercher la dernière Game Boy qui voilà, restait. C'est-à-dire qu'à l'époque où il a tourné cette scène, il ne savait pas que la Wii U allait débarquer. Tu les vois à la sortie d'Harry Potter, c'est vraiment à la sortie d'Harry Potter. Exactement. Et c'est vrai que c'est un film doudou, c'est un film qui m'a fait du bien. Pendant 2h45, qui vraiment sont passés. Je les ai sentis passer, mais en même temps, le film n'a pas semblé trop long. J'aurais pris pour 2h. J'ai eu la même sensation, moi. J'ai senti passer sans que ça me gêne, en fait. Si, comme Lars von Trier, le réalisateur, a fait un director's cut de 5h25, je veux bien l'avoir, il n'y a pas de problème. ce film a... Voilà, c'est un film que j'ai du mal à le défendre pour des raisons cinématographiques. En tout cas, en termes de mise en termes de réalisation, c'est juste... c'est cohérent, c'est crédible, enfin, tout est... Enfin, ça coule de source, quoi. Mais... personnellement, vraiment, l'être humain que je suis, pour de moi, 22 c'est... ans... je ne vais pas avoir grand-chose. Enfin, je vais rien ajouter parce que finalement, nos avis se complètent bien. Donc, l'avis de Morgane... voilà. Écoutez l'avis de Morgane, vous aurez le mien aussi. Et j'en avais parlé aussi dans le premier podcast, ouais. Ma première expérience. Je dirais juste que pour moi, c'est vraiment la seule fois où j'ai eu la sensation de voir un film à la cohérence parfaite. Mais vraiment parfaite. C'est comme tu dis, c'est crédible du début à la fin. Ça doit être difficile de pas faire de faux raccords en 12 ans. Ben ouais, mais ne serait-ce que les personnages de toute façon sont forcément cohérents, ouais. Et tu sens vraiment que voilà, c'est un film d'expérimentation, c'est vrai. Mais... oui, puis en termes d'évolution, quand on voit comment les personnages évoluent, on pourrait se dire oui, ce film a pris 12 ans. C'est vrai que quand on voit le caractère de cet enfant étant petit, quand on voit ce qu'il devient, c'est tellement juste. Et c'est pour ça que, honnêtement, l'Oscar du meilleur réalisateur, il est pour. C'est vrai que c'est, au niveau du changement de caractère de l'enfant qui grandit, c'est presque un film de pédiatre. Je veux dire, ça peut être un film d'étude, ça. Clairement, ouais. Parce que les influences quand on est jeune, ce qui ressort quand on devient adulte, c'est voilà. Pour moi, c'est avec comme tu l'avais dit Morgane à l'époque, c'est avec The Tree of Life. Je pense que c'est l'un des meilleurs films qui traite de la vie comme ça. Ah oui. Oui, alors que The Tree of Life, bon, c'était sur une chaîne plus grande. Là, c'est vraiment la vie. C'était moins abordable The Tree of Life. Voilà, aussi. Oui, voilà, surtout. Mais là, voilà, c'est cet enfant, c'est tout le monde, quoi. C'est moi, cet enfant, c'était moi. C'est justement la force du film, elle est là aussi. C'est que, en fait, j'avais dit que j'allais rien dire, mais c'est la force du film, elle est là. C'est que, en plus, il fait pas un destin de malade à cet enfant. C'est pour ça que le film est fort. Oui. C'est que oui, voilà. C'est un destin pas banal, mais voilà. Le film est parlant parce qu'il est vrai, quoi. Avec des travers de la vie, des voilà, il commence à fumer à l'âge de voilà, c'est des trucs qui peuvent arriver. C'est et aussi en termes, enfin, j'ai pas assez parlé des acteurs. J'ai moins été convaincu par, j'ai oublié son nom. Rosanna Arquette. Non, au contraire. Patricia Arquette. Non, le petit qui devient grand. Le petit. Oui. Ella Coltrane. C'est ça. Je trouve qu'il devient de plus en plus, plus il grandit, plus il devient un peu amorphe et fadasse un petit peu. Je trouve qu'il m'a moins intéressé. Par contre, Ethan Hawke et surtout Rosanna Arquette. Alors là, Ethan Hawke est vachement touchant. Je ouais. Rosanna Arquette, je. Et elle aussi. Non, c'est Patricia. Patricia, ouais. Je ne sais plus. J'ai un doute maintenant. c'est Patricia. Hein. C'est Patricia, d'accord. Ouais. Je crois qu'elle est nominée aux Golden Globes pour la meilleure actrice dans un second rôle. Et la fille de Richard Linklater, Lorelai Linklater, qui joue la sœur dans le film, est très bien aussi. Oui. Non, c'est un film qui fait voilà. C'est vraiment une petite pépite, quoi. Oui, c'est une perle, quoi. C'est mon coup de cœur de l'été. C'était clairement ce film-là. Ouais. Moi aussi, ouais. D'accord. Bon, on va passer au numéro 5 de Florian. Alors, mon numéro 5, c'est A Most Violent Year, donc, qui est sorti le 31 décembre. Ouais. Le nouveau film de J.C. Shandor, le réalisateur de Margin Call, plus particulièrement. Justement, j'attendais ce film en fait pour boucler mon top parce que je me suis dit qu'il irait peut-être dedans et j'ai pas été déçu. Parce que c'est un film extrêmement fort, très très puissant, qui fleure bon le film de genre mafieux, donc qui raconte l'histoire d'un immigré qui possède une entreprise de, enfin il est dans le commerce du pétrole sur New York, et l'histoire se passe durant l'année 1980, en tout cas la fin de l'année 1981 à New York, donc justement l'année la plus violente enregistrée dans l'histoire de New York, où il y a eu le plus de crimes, de meurtres, etc. Et donc, en fait, il essaie à tout prix de gravir les échelons, de pouvoir prospérer, mais en respectant sa conception du rêve américain, c'est-à-dire de ne pas tuer, de ne pas faire de pas rentrer dans la corruption et dans d'autres trucs comme ça. Donc, en fait, du coup, en fait, c'est un film qui va à contre-courant parce qu'on se dit que ça va être violent, justement, et en fait, pas du tout. Parce qu'il essaie constamment, pendant tout le film, de résister à la violence. Donc c'est vraiment un film percutant, mais extrêmement sobre, avec une mise en scène juste effarante, de maîtrise, quoi. Certains n'ont pas du tout aimé la photo, parce qu'elle est un peu jaune pisse. Ouais, moi, c'est ce qui m'intrigue beaucoup. Enfin, je trouve l'affiche du film déjà magnifique. Ouais. Certains n'aiment pas trop l'esthétique, justement, parce qu'elle est un peu, justement, très filtrée. Mais moi, je la trouve magnifique. Pour le coup, la Jessica Chastain est. Pouah. C'est une claque, parce qu'il y a des moments où elle est vraiment. Elle a une réper. Enfin, elle a vraiment une manière d'asséner ces dialogues qui est percutante, mais surtout c'est Oscar Isaac qui m'a, moi, foutu une claque, parce que déjà ça fait des années je dis que c'est un grand acteur et là il le prouve encore. J'ai eu du mal avec Oscar Isaac pendant des années. C'est, même si je déteste Sucker Punch, il m'avait déjà foutu une claque dedans. Moi j'ai vu que dans deux films et je le trouve vraiment très bien, même si je l'apprécie moins dans Sucker Punch. Inside Llewyn Davis, il était très bon aussi. Même s'il était détestable, il était très bon. Et là, il est fantastique. Je l'avais adoré dans Agora de Amenabar. Ah oui, d'accord. J'ai pas vu celui-là. Il était vraiment, vraiment excellent. Et c'était dans ses premiers rôles. Il avait vraiment un vrai rôle de composition. Et pourtant, c'est pas facile dans un péplum en plus. Il était très très bon aussi. Mais ouais, le film est constamment entre deux feux en fait. C'est vraiment une sorte de critique très amère et cynique du rêve américain, mais en même temps qui est pas en train d'essayer de nous convaincre. C'est beaucoup plus insidieux que ça, quoi. Ça se répand progressivement dans le film. Il y a quelque chose, le film devient de plus en plus violent, mais en même temps il est brut. Il y a pas de, c'est juste percutant, mais en même temps c'est pas un truc qui va nous marquer comme par exemple un film de Gaspar Noé qui est très très percutant et qui lui nous laisse des images en tête. C'est beaucoup plus insidieux que ça et c'est très très bon. C'est ce film là qui m'a donné ma meilleure scène de l'année. Enfin, si vous voyez le film, la scène de la course poursuite quand il poursuit un camion citerne qui vient de se faire voler, la scène est absolument magistrale parce qu'en plus elle est longue, elle doit bien durer 5 minutes et elle est d'une maîtrise visuelle en plan séquence effarante. Non, pas en plan séquence, mais elle est tellement fluide tellement bien faite que vraiment j'en ai eu des frissons. Et puis il y a vraiment ce côté très blues, parce qu'il y a du Marvin Gaye dans le film. La bande son est magnifique. C'est très très vraiment il y a ça rappelle y a quelque chose, quoi. Ça rappelle un peu les grands films les films de gangsters de la grande époque. Ouais, ça reprend toutes les thématiques du film de gangster, mais ça n'en est pas un. C'est d'accord, ça qui est génial. Ouais. Si quelqu'un a rajouté sur Most Valentière, sinon on passe. À part avoir l'envie de le voir pour le moment. Moi, aussi, ouais. Moi je l'ai vu, pareil, pas aussi dithyrambique que Florian, mais Jessica Chastain Forever. Voilà. Okay. Avis très constructif. C'est pas grave. On passe à mon numéro 5 qui était Lego. Donc, numéro 4 dédié. Numéro 4, c'était Boyhood. Ok, donc quand on voilà. Numéro 4. Moi, mon numéro... Oui ouais, vas-y. D'accord. Donc, moi, mon numéro 4, c'est Monique. On s'y attendait. C'est parti. Allez, dégagé. Et moi, c'est mon premier, et moi, je trouve que tu l'as mis trop bas. Et... C'est mon premier, je trouve ça scandaleux. Quatrième, c'est pas assez. En troisième, pardon. C'est pas assez non plus. Momie Mais comment vous me lâchez, les gars? Allez-y. Non, moi j'ai affaire à Florian là. J'affronte Florian aussi, et Florian est un peu mon patron, entre guillemets. Donc, hein. Je vais cracher dans la main qui me nourrit. Hein. Faites-vous plaisir. Ok, bon, alors on va commencer avec Quentin qui a commencé le débat. Donc, Ah oui, du coup, j'ai même pas participé au débat podcast. Enfin, oui, voilà, ça va pas de pouvoir. Ah oui, t'avais pas parlé sur moment. Ah oui, bah vas-y, alors fais-toi plaisir, ouais. Mon petit Quentin. Alors là, lâche-toi, dis tout l'amour pour faire ce film. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans mon livre, déjà d'abord, c'est la mise en scène. Donc, je peux m'empêcher de penser à la critique de Florian. Mais non, mais fais abstraction. J'ai peur. J'ai peur. En plus, il est gentil, il nous laisse. Allez-y. Moi, c'est la mise en scène qui m'a beaucoup plu. Voilà, enfin, la mise en scène. Enfin, moi, je trouve ça assez dingue de voir une mise en scène correspondre à l'humeur des personnages. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a complètement conquis. Enfin, dès le début, j'étais conquis. Enfin, le premier plan où Enderval est voilà, en train d'étendre un linge, en train de prendre une pomme. Enfin, ouais, de A à Z, j'ai aimé le film. Enfin, de cette dernière fois, mais. Mais j'ai l'ombre de Florian qui... Oui, mais t'inquiète pas, il va pas lancer le tour à gage pour te récupérer. Y'a pas de soucis. Justement, il attend. J'attends, mais tranquille, hein, allez-y. Hein. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Il est en train de caresser son chat en disant Je vais les niquer. Non, mais son chat est déjà mort alors qu'il est. N'importe quoi. J'ai beaucoup aimé le casting. Je sais plus exactement comment s'appelle l'acteur qui joue Steve. Antoine-Olivier Pilon. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cet acteur, j'ai beaucoup aimé Suzanne Clément également. Norval est magnifique. Ah oui. J'ai découvert pendant ce film, hein. C'était mon premier. Suzanne Clément, c'est pas Norval. Suzanne Clément, ouais, c'est pas. Ah, Suzanne Clément, oui. Ouais. La grâce incarnée, l'actrice de. Ne change pas. Ah oui, tellement. Bon, on va pas faire une émission de karaoké. Surtout, encore moins sur les Céline Dion parce que. Ouais. Encore moins avec son horrible voix. En dehors de la scène. Non, j'assume parfaitement, mais bref, c'est un autre débat. Ah, bien, avec Céline. T'as fini ou pas, Quentin? Donc, ouais, voilà, j'ai fait le tour. C'est un film qui m'a beaucoup marqué. Après, je l'ai pas mis dans mon top 3 parce que voilà, j'avais trois autres gros coups de cœur. Voilà, Mais voilà, Mommy est juste à l'entrée et c'est un film qui me marquera encore. Bah, attends, je... Puisque je suis numéro 3, enfin je l'ai mis en numéro 3, donc après oui, je laisse les numéro 1 en parler. Moi j'ai déjà pas mal défendu le film dans le podcast, je sais plus, numéro 10 sûrement. Je vais pas m'étendre non plus. Voilà, donc je veux vraiment pas m'étendre. Déjà que celui-là va être inimaginablement long. Vous me laissez affronter Florian, voilà. C'est sympa les gars. Donc moi j'ai vraiment adoré le film, je le trouve sublime. Et enfin. Pas Enderval, Suzanne Clément aussi, c'est vraiment une révélation pour moi. Le cinéma de Dolan, c'est une révélation pour moi cette année parce que j'ai. Avant d'aller voir Mommy, j'ai regardé tous les films de Dolan et j'ai vraiment adoré tous ces films autant qu'ils sont, même si certains sont sûrement critiquables. Mais voilà, donc moi j'adore vraiment son cinéma, j'adhère à fond, même si des fois. Il faut bien l'avouer, c'est prétentieux, c'est sûr, mais moi ça me dérange pas, donc voilà, allez-y, je vous laisse parler. Alors ce n'est pas prétentieux, non, attends, ça peut paraître... Il se regarde filmer quand même, des fois... Non, moi j'ai pas ce sentiment là. Il est moi, en train de se branler sur sa caméra. Ah, alors, ça y est, justement, et ça me fait de l'effet, je dois dire. Moi j'ai envie de réhabiliter Dolan parce que j'avais un peu ce débat là. Alors moi il se trouve que le cinéma Dolan, je ne connais que depuis cette année avec Tom à la ferme, qui pour moi C'est pourtant pas faute de t'avoir conseillé de voir les autres avant, hein, mais bon. C'est pas faute de m'avoir conseillé, mais bon, par manque de temps, évidemment. Et c'est vrai que Tom à la ferme ne m'avait vraiment pas plu, et Mommy, bon, le sujet m'intéressait, et puis aussi, quelle réputation à Cannes, parce que c'était un peu comme un petit coup de cœur. Hein. C'était la palme d'or de tous les festivaliers. Hein. Mmh. Et malheureusement, Dolan doit malheureusement se contenter d'un prix du jury partagé avec... Monsieur Jean-Luc Gélemelon Godard. Monsieur Aigri. Monsieur Aigri, qui insulte Quentin Tarantino, ce n'est pas bien. Mais bon, faut pas dire trop de conneries parce que France Culture n'aime pas les podcasteurs qui critiquent Jean-Luc Godard. Donc mais je n'aime pas France Culture non plus. Ils peuvent. Non, il y a pas de problème. Non. Je leur dis crotte. Moi, son cinéma ne m'intéresse pas, c'est tout. Je suis désolé. C'est comme ça. Alors, pareil. Alors moi, je parlais de. Enfin, on n'est pas là pour parler de Godard en même temps. Voilà. Ah, vous souffrez bien. Voilà. Non, Mommy, ça a été un film assez particulier parce que quand je l'ai vu trois fois, quand je l'ai vu la première fois, donc pareil, succédé d'une hype autour de Dolan, petit génie, petit prodige, on peut pas passer à côté, les couvertures dans Studio Ciné Live, partout Télérama, Dolan c'était un peu le jeune prodige et ça me saoulait un petit peu, j'en ai marre qu'on me martèle, qu'il faut que je voie un film et surtout qu'il faut que je l'apprécie. Donc en sortant de la séance, j'avais adoré le film, mais j'avais pas été aussi touché. Et le film a fait son chemin dans ma tête. Et je ne pensais vraiment qu'à ce film, qu'à des petits moments que j'avais vus dans le film. Je l'ai revu une deuxième fois. Et là, la claque a été clairement instantanée. Mais ça, c'est tout à fait normal, ça. Ça a été instantané parce que je l'ai vu vraiment une semaine après que voilà. Les avis commençaient un petit peu à se fondre. En plus, il y avait Gone Girl qui sortait à côté, donc voilà. C'est une semaine de malade quand même là. Ah bah c'est la meilleure semaine de l'année. Et non, je trouve que je vais pas utiliser le terme prodige parce que déjà si Xavier Dolan nous écoute, ça lui fera trop plaisir. Ah bah moi je l'utilise pas le terme de prodige. Hein. Et je n'utilise pas le terme prétentieux non plus. Je n'utilise pas le terme prétentieux parce que je me demande si Dolan avait 35 ans, est-ce qu'on dirait qu'il est prétentieux? Exactement. Maintenant, je trouve que Dolan a du talent, ça c'est clair, il a du talent. Qu'on aime ou pas son cinéma, je trouve que le talent chez ce mec-là, quand il est là, il est là quoi. Il est là, il fait un film, un portrait de femme, et je trouve que au cinéma aujourd'hui, des rôles de femmes et des actrices utilisées avec autant d'amour, autant de je trouve que ça court pas vraiment les rues quoi. Et Dolan, il arrive à rendre gracieuse ces deux actrices je suis amoureux de ces deux, d'Anne Norval et surtout de Suzanne Clément. Pour moi il y a quand même des scènes magiques teintées d'une bande originale. Alors j'ai les mêmes goûts que Xavier Dolan en termes de musique, j'écoute Céline Dion, j'écoute Dido, j'écoute et un peu de Lana Del Rey un petit peu. J'écoute les trois, donc. Voilà. C'est surtout un portrait c'est ce portrait de femme, c'est ce côté un peu science-fiction dans le film qui m'a plu. C'est vrai que le film se passe, dans un futur, vraiment très très proche, à un doigt, hein. Voilà. C'est bien foutu. Et au début, je comprenais pas un peu trop le but, et c'est vrai que plus le film avance, et plus bon, sans révéler quoi que ce soit. Et, pour moi, c'est mon coup de cœur de l'année, un de mes coups de cœur de ma vie, clairement. C'est un film qui me frustre, parce que je me dis, j'approche de l'âge de Dolan, et je serai jamais capable de faire ça. Même si j'aurais envie. C'est pour ça aussi que je pense que Dolan, il y a peut-être un petit peu. C'est pour ça qu'il agace. Il agace, Dolan, effectivement. Il est tellement talentueux, ce mec-là, qu'il agace. Il m'a agacé avant, j'avais des a priori sur lui. Mais depuis que j'ai vu Mommy, je peux pas bouder mon plaisir. Ce film est juste. Est-ce que t'as vu les autres films depuis ou pas? Non, il a vu que Tom à la ferme. Non, j'ai Tom à la ferme. Mais Tom, le truc, c'est que commencer par Tom à la ferme, c'est pas la meilleure façon parce que du coup, c'est un film sur lequel il est pas à l'aise du tout. Oui, puis surtout que Dolan, je trouve en tant qu'acteur, m'intéresse pas du tout, mais en tant que réalisateur, m'intéresse beaucoup. Puis Mommy, il y a quand même des scènes. Voilà, l'utilisation de la musique chez Dolan, c'est vrai que j'aime au cinéma quand la musique fait partie de la scène et qu'elle traduit quelque chose. Limite que ça devienne un dialogue. Alors, sur On ne change pas. Je trouve que quand on écoute un peu les paroles, c'est assez parlant. Après, on aime ou pas Céline Dion, c'est une affaire de goût. Lana Del Rey surtout, la scène où on entend du Lana Del Rey. Là, c'est parlant à fond. Ouais, clairement parlant, il y a de la métaphore à foison. C'est beau, c'est drôle. Et il y a quand même des scènes. C'est très drôle, oui. Même s'il y a j'avais longtemps reproché ce changement de cadre, parce que un cadre très particulier, hein, c'est vraiment du 1 sur 1. Ce changement de cadre à un moment donné en milieu de film que je trouvais un peu bêta au premier abord. Et au final, je me dis non, c'était la meilleure façon de le faire. On n'allait pas demander à Dolan de révolutionner. C'est simple mais efficace. Ouais, voilà, et c'est un film qui est fait avec. Moi, j'aime quand je vois un film, j'aime bien quand je me dis le gars avait envie de faire ce film-là. Il a fait ce film. Qui nous plaise ou qui nous plaise pas, après voilà, c'est subjectif, mais Dolan a fait le film qui m'a le plus bouleversé cette année, c'est celui-là. Il y a vraiment, pour moi c'est un chef-d'œuvre. J'ai eu du mal à le dire première fois, mais maintenant je le dis, on est en 2015, la hype de Dolan sur ce Mommy est un peu passée, maintenant je le dis après la bataille, c'est un pur chef-d'œuvre. Et en termes de mise en scène, c'est peut-être pas le film qui m'a le plus bouleversé cinématographiquement parlant, mais en termes vraiment en termes d'émotion pure en tant qu'humain, et ben c'est celui-là. Mm-hmm. J'ai ri, il y a les scènes de dispute, c'est dialogué vraiment avec. C'est très très dur à des moments. C'est très très dur. Je me demande vraiment si c'était improvisé parfois. Moi je suis allé le voir avec quelqu'un qui m'a clairement fait comprendre que ça l'avait trop touché. Mmh. Et c'est pas qu'il a pas aimé, hein, mais c'est que ça. Il m'a dit, moi ça remue trop de choses pour moi en fait. Ça remet trop de choses en lui en fait. Ce film là. Donc ouais, c'est un film assez sensoriel finalement, qu'on peut qualifier voilà d'un peu. Je vois un peu les foudres de Florian qui vont s'abattre bientôt. Je sais ce qu'il va dire, mais c'est vrai que non, ce film m'a touché, m'a bouleversé. C'est un chef-d'œuvre. Vraiment un grand film. Alors pour moi c'est pareil, c'est chef-d'œuvre, oui, ça c'est une évidence. Et après voilà, et comme alors je vais revenir sur ce que tu disais, que ce que j'ai trouvé c'est intéressant, c'est que tu dis tu repensais à plein de petits bouts comme ça du film. Ouais. Et c'est pour moi la grosse force du film aussi, c'est que il filme cette histoire, mais il la filme à travers plein de choses. Oui. Et il la filme à travers il y en a qui pensent que justement c'est qu'il filme rien parfois. Mais quand tu fais un portrait de vie aussi comme ça, la vie c'est fait de petits riens. Et comme tout ça inclut les petits instants comme ça, très oniriques et où tu as la chanson de Céline Dion justement là. Moi c'est vraiment ça qui me touche en fait parce que et c'est ce que je trouve beau dans son cinéma, c'est qu'il y a une vraie naïveté justement. Oui, c'est ça, et elle assume. Voilà, c'est ça. Et donc pour moi c'est pour ça que j'arrive pas à trouver son cinéma prétentieux parce que quelqu'un de prétentieux ferait justement tout l'inverse de ça à mon sens. Oui, puis il les assume ces références là. La scène où Anderval est avec ses sacs de course, ses sacs de course se brisent et elle fait tomber. Mais c'est maman j'ai raté l'avion. Mmh. C'est une référence enfantine, il l'assume. Il le dit, ouais. Voilà, c'est vrai. Il dit, moi ma génération, c'est Titanic, maman j'ai raté l'avion, c'est la série Charmed, il le dit souvent, enfin c'est voilà. C'est pour ça que c'est une grosse merde. Charmed, je veux bien entendre. Non, mais c'est vrai que il fait un film avec l'intellect, même si pour moi, intellectuellement, Dolan a quand même, il a ce talent. Ah bah c'est mais... pour un idiot, c'est non, l'intellect d'un fan de Charmed, ouais. Quand tu l'entends parler, tu sens que c'est pas un idiot quand même. Non, c'est il est pas idiot. Il a une culture. Il aime le cinéma. C'est vrai qu'après, moi, j'étais un peu dans la mouvance de faire le procès d'intention à Dolan. Ouais, mais Dolan, il a peut-être été un peu pistonné. Ok, d'accord, peut-être. Mais maintenant, je vais pas juger un film par rapport à ce. Sinon, j'ai pas fini. Hein. Il y a certains films qui ont été faits avec beaucoup de malhonnêteté, j'ai envie de dire. Mais Dolan, il fait vraiment ce qu'il a envie de faire. Et il arrive à me, enfin, je veux dire, un mec de 25 ans qui fait ça, j'ai envie de dire chapeau, mais c'est pas trop la maturité pour faire un portrait de femme comme ça à 25 ans. Je sais pas si je peux parler de maturité, je peux parler juste d'un mec qui a du talent. Pour moi, qu'il ait 25 ans et qu'il ait 45 ans, j'aurais eu le même avis aussi, ouais. Clairement. C'est plus comme ça, je pense. Ouais. Mais c'est vrai que il a 25 ans, ça force forcément le respect. Surtout quand on voit tout ce qu'il a fait avant. Moi, j'ai pas vu les films, mais c'est vrai que les films de Dolan, c'est un petit peu. Laurence Anyways, pour moi c'est clairement c'est avec Mommy, c'est vraiment les deux où voilà, pour moi il y a quelque chose quoi. Il y a une vision d'auteur derrière. Il y a vraiment c'est pas juste un film pour raconter quelque chose, c'est un film pour c'est pas juste un film, c'est de l'expérience. Ouais. Et j'ai vraiment eu cette sensation là devant Mommy, mais devant Laurence Anyways aussi. Moi je trouve que vraiment ce qui m'a énormément touché dans le film, c'est ça, c'est le fait de faire des choses simples, de les faire bien, ce qui peut passer pour de la prétention. Mais moi ça fonctionne quoi, je veux dire. Oui, il s'applique avec les petites erreurs qu'il reconnaît. C'est vrai que évidemment on le sait qu'il aurait aimé avoir la Palme d'Or, mais j'ai envie de dire. Est-ce que lui il le dit? Il l'a dit. On va pas à Cannes pour avoir le prix de la meilleure sandale, mais voilà. Mais de toute façon, c'est vrai, t'as un film qui est sélectionné à Cannes. Qu'est-ce que tu espères en tant que réalisateur? C'est quand même pas de repartir bredouille. C'est vrai que j'ai jamais vu quelqu'un avoir le prix du jury en disant, ouais, c'est ce prix-là que je voulais. La Palme d'Or, j'en voulais pas. Le prix du jury, c'est vraiment ce que je voulais. Oui, non, mais voilà. Maintenant, Dolan a, on va dire, cette cette impatience qu'il peut pas cacher. Et du coup, c'est ça qui agace. Mais en même temps, je peux pas juger un film par rapport. Enfin, il y a, sinon. C'est une impatience qui a double tranchant parce que du coup. Sinon, La vie d'Adèle, c'est un film. Il peut brûler les ailes très très vite aussi. Si je dois juger un film par rapport au réalisateur, c'est vrai que La vie d'Adèle, bah, bon. Pour moi, son film américain, ça va être qui tout double, je pense. Ah oui, c'est vrai. Alors voilà, Xavier Dolan, Jessica Chastain, bon bah. Ouais, mais en fait, les gens déjà pour avoir un demi-orgasme, donc voilà. Comme ça, c'est dit. Pour finir, oui, c'est ça quoi. Enfin, j'ai pas envie de m'étendre parce que j'en ai trop parlé et puis voilà. Je pense que j'aurai plus de répondants quand Florian va m'énerver. Si vous voulez notre avis à chaud sur le film, allez écouter le podcast. Ouais, le podcast de Doctor. Aussi, voilà. En tout cas, j'attends le prochain film de Xavier Dolan, c'est vrai. Voilà. Ce ne sera pas Le Retour de la Momie. Voilà, je l'ai fait. Ok. C'est voilà. Et pourtant, Le Retour de la Momie, c'est meilleur que Momie. Hein. Eh ben voilà, allez, vas-y. Bref. Bon, allez, Florian, vas-y. Ton flop numéro combien? Numéro 1, c'est Momie, ouais, c'est mon pire film de l'année. Ça va être un peu long ce que j'allais dire parce que et douloureux je suis un peu à chaque fois que j'en parle ça m'énerve, c'est comme Spring Breakers. Quand je l'ai vu au cinéma, bon, j'en attendais rien de particulier, j'étais un peu intrigué, j'avais jamais vu de film de Dolan. Donc je me suis dit pourquoi tout ce ramdam, donc je regarde le film. Je me dis au début que c'est plutôt correct. J'aime pas trop l'image, mais c'est plutôt correct parce que je me dis, bon, il y a ce format 1-1, c'est assez bizarre. Et au moins, il se donne une contrainte de mise en scène. C'est plutôt original, quoi. Pour un mec de son âge, en plus, c'est assez original. Et puis, jusqu'au moment où l'écran s'écarte. Et là, c'est toute la supercherie du truc qui se révèle, quoi. Parce que c'est probablement le film le plus prétentieux, le plus navrant que j'ai vu cette année. Dans le sens où, c'est un mec qui se regarde le nombril, mais qui en plus nous fait de l'émotion pas chère, Lidl, quoi. du genre qui est faite comme si. Il y a de très bons produits Lidl, hein. C'est comme si un mec en fait sur Twitter avait fait un Vine, tu vois, et que il avait fait un truc quoi, et que là on lui fait génie quoi. C'est faux, c'est du cinéma faux. Il y a rien d'émotionnel dans ce putain de film. Jamais on ressent un truc. On est forcé de ressentir. C'est une sorte de film qui te prend en otage. Et c'est aussi c'est aussi subtil qu'un clip de je sais pas de Colonel Rayel. On te fout de la putain de musique. On va te foutre une vieille musique de merde qui ressort de d'il y a 20 ans pour essayer de te justifier la personnalité torturée de personnages qui ont l'air complètement teubés quoi. C'est pas parce que c'est un sujet de société et qu'il est traité de manière aussi peu subtile, c'est-à-dire que il faut absolument que ça soit hystérique, il faut que ça gueule, il faut que ça se foute sur la gueule, il faut que ça tape, il faut qu'il y ait des trucs qui pètent. Non, putain, on est au cinéma, on peut faire des trucs un petit peu plus subtils, on peut essayer de délivrer un message, parce qu'en plus c'est ça le problème, c'est que c'est un film qui est incapable de délivrer un putain de discours. Il y a rien qui passe. Quelle est la finalité de Momie? Il y a pas de discours, il y a pas de discours sur la société, il y a pas de discours sur. Franchement, là tu tombes dans le mépris quand même. Mais oui, mais c'est un film méprisant parce que c'est un film devant lequel on ressent rien. Les personnages sont détestables. L'acteur, mais j'avais envie de lui mettre un pain dans la gueule. Mais moi aussi, j'avais envie de lui foutre des baffes à ce gosse. Comment on peut supporter de voir un personnage monter sur une bagnole, insulter un mec de manière aussi xénophobe ou je sais plus comment? Et justifier ça parce que le mec, c'est un mec qui a un problème. Non, Mais il y a des gens comme ça. Enfin, c'est la force du film, c'est que bah ouais. c'est réaliste. Mais en plus, c'est un vrai problème. Pour moi, c'est un vrai problème du cinéma en ce moment, en plus. Le film s'ouvre. Attends, je te coupe 2 minutes. Le film s'ouvre sur Anne Dorval, qui étend son linge et tout. Tu sais que tu vas adopter son point de vue et tu sais que t'es avec elle dès le départ. Et tu oui, suis. Oui, c'est ça. T'es pas dans le point de vue du fils de toute façon. Ah non, dans non, cette non, histoire. On est. Non, voilà. non, mais Donc, c'est du même coup, pas. On partage De toute un peu manière, il n'y a son. pas un seul personnage que j'aime dans ce film. Ah, Suzanne Clément, quand même. Hey. Non, même pas. Je l'aime pas du tout. C'est dommage. Mais c'est. Je sais pas. Alors moi, je vais avoir du mal à parler avec quelqu'un qui est même pas touché par un personnage aussi simple et qui. C'est que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Mais là, c'est un autre débat. Oui, mais attends, complexe. Mais c'est elle, c'est un traumatisme horrible qu'elle a eu, ce personnage. Enfin, je sais pas. Non, mais comment c'est pas. Non, mais c'est un problème plus compliqué du cinéma en fait carrément en ce moment. C'est qu'on est apparemment incapable. Enfin, les réalisateurs, ils croient le public, en tout cas, incapable de ressentir si c'est pas des personnages qui ont des problèmes. Et alors là, récemment, on s'est tapé la famille Bélier. Il fallait que ça soit des sourds. Avec qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'était les racistes. Ensuite, on a eu les immigrés avec Samba. Avec Mommy, il faut que ça soit un mec qui a un problème mental. Putain, on ne peut faire des films, on ressent des trucs pour des personnages de la classe normale ou autre. Non, il faut absolument que ce soit des mecs qui sont hystériques. Il faut absolument que ce soit des C'est gens pas qui. propre au cinéma, c'est pas propre au cinéma francophone. Hein. David Fincher avec Gone Girl, on peut pas dire que Ben Affleck soit sans problème dans son film. Hein. Il a des emmerdes jusqu'au cou. Et oui. pourtant, le film est. Non, moi je trouve que les personnages qui ont des problèmes. Non, ça n'a rien films... à voir, Gone Girl. Ben non, justement, tu parles de personnages qui ont des problèmes et tout. Voilà. Je trouve que. Non, mais il en a. Je parle de problème, c'est genre, par exemple, on va te faire un film sur un SDF et puis on va. Comme ça, le spectateur, il va se dire: Ah ouais, franchement, ils ont la vie dure. Hein. Et puis ensuite, lui, il va aller s'acheter une glace quand il sort de la salle de cinéma, quoi. Tu vois? C'est exactement ce que je ressens devant Mommy. C'est je la pense même pas chose. que je pense pas que Mommy avait. Je pense pas que Dolan avait envie de faire un discours avec Mommy, clairement. Même si. Il tente, alors je sais que Mais ça peut justement, prêter à il n'en a pas, discussion. c'est ça le problème. Mais, ah, justement, pour moi, de je... toute façon, son ambition, c'est pas de montrer le misérabilisme de la chose. C'est pas de montrer que tout, c'est pas le médium de l'enfant qui a un problème. C'est pas, c'est comme il prend ça parce que c'est pour confronter au portrait de femme qu'il veut faire dans son film aussi. C'est pas juste comme ça pour Mais faire non, mais genre, pas pour. c'est un film qui justifie son émotion par le merde par l'environnement social dans lequel ils sont. C'est un film qui justifie ça comme ça. Il justifie tout. Tout le film est justifié par ce fameux constat, ce fameux environnement social dans lequel ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont un peu en galère, qui vont faire la piscine, qui vont nettoyer chez les gens, qui galèrent Parce et que tout, là, quoi. Mais. et tu t'es pas dit une seule seconde que c'était peut-être un petit peu le reflet de la société qu'on avait aujourd'hui aussi. Non, pas du tout, pas une seule seconde, parce que c'est faux. Tout le film est faux. Je sais L'esthétique pas, est mais alors fausse. tu viens de quel L'esthétique est milieu, quoi, fausse et on. t'es, enfin, je Mais sais pas, non, enfin, ça n'a rien à voir avec des histoires de milieu, c'est que c'est un film qui essaie de justifier tout par un cadre. Par exemple, par exemple, la famille Bélier. Enfin, non, je l'ai pas vu celui-là, donc je peux pas en parler. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, par exemple? C'est un film qui vient justifier son racisme. Par l'humour. Tu peux être raciste tant que tu fais de l'humour. Ok? Là, avec C'est Mommy, même c'est pas pareil. Tu peux non plus le message de qu'est-ce qu'on a sur le bon Dieu. être absolument pas subtil dans Mommy tant que c'est un climat, tant que c'est des personnages qui ont des problèmes moraux ou qui ont des problèmes sociaux. Non, enfin, on s'en fout de ça. On n'est pas là au cinéma pour voir ça, quoi. Et puis, Mais moi je suis merde, désolé, moi je vais ce au cinéma gadget. pour voir des choses comme ça aussi. Ce Bah moi. gadget, moi, ce gadget émotionnel en plus du format du film me fout les boules, quoi. Parce qu'en plus, déjà, on dirait du cinéma Instagram, quoi. C'est avec un vieux filtre crado à l'image, là. C'est une sorte de fausse, d'un faux bonbon à la merde acidulé, enrobé d'un. C'est un bonbon à la merde enrobé d'un bel emballage, quoi. Je sais pas, on est au cinéma pour voir des belles images, pas pour voir des vieux machins. C'est comme un gamin C'est comme un mec comme moi qui est à l'école, en train d'étudier le cinéma, et on lui dit, ah ouais, parfois au cinéma on peut jouer avec le cadre. Et lui il se dit, ah oh bah tiens, je vais l'écarter avec les mains, ça va faire trop génial. Oh putain, pitié quoi. Ben, Moi, moi j'ai trouvé ça quand je trop vois ça, génial, tu c'est vois. tellement immature et vulgaire de faire ça, quoi. Moi, ça me, j'ai envie de lui dire, mais ferme ta gueule, va regarder des films et reviens plus tard quand t'auras mûri, quoi. Parce que le mec a aucun talent, quoi, quand je vois ça. Là là Moi, là là là ça là. me, moi perso, ça me fout les boules de voir des réalisateurs pareils. Et en plus, quand je le vois se comporter comme un petit con, Ça oui, évidemment, mais et faire sa petite, son gamin, qui a pas reçu son cadeau parce qu'il n'a pas été nominé aux Oscars. Putain. après, Dolan, c'est un cinéaste. Alors là, si on parle, si on fait le portrait de On du n'est mec pas, clé, on n'est pas là pour, voilà. on n'est pas là pour faire le portrait de Dolan déjà parce que ce Ouais, serait trop long non, et mais qu'on moi, n'a plus le c'est temps, juste que, c'est mais que enfin voilà, ça. moi je comprends pas, mais alors pas du tout ton point de vue, que je trouve complètement erroné par rapport au film. Que tu sois en école de ciné, ça je m'en fous, enfin ça change rien pour moi. Je pense que Non, mais j'ai eu l'impression lui, d'avoir un mec il comme. a la preuve qu'on peut faire du cinéma en étant autodidacte justement. Oui, bah oui, c'est un fils de cinéaste. C'est un fils de comédien, c'est pas un fils de cinéaste. Après, Et disons son que papa, quoi. Eddie, c'est vrai que, alors oui, alors pour le coup, oui, c'est vrai qu'il a déjà un pied dans le milieu, que maintenant, je peux pas y reprocher. Après, voilà, chacun vient C'est comme les de. assez doux, quoi. Bah, après, je peux pas y reprocher. Si c'est vrai que son film, enfin, oui, non, pour le coup, c'est vrai que je trouve ça violent, par contre. Hein. Mais non, non, je comprends pas pour moi, c'est violent. Enfin, t'as des propos absolument violents. Non, c'est assez violent, sérieux. Parce que le film, t'as rien fait, le film. Enfin, t'as pas touché, mais c'est vrai que t'y en veux, à Dolan, hein, visiblement. Là, t'en fais une affaire personnelle. C'est, Mais, oui, c'est, le problème, je pense, Non, il est mais là, hein, d'ailleurs. ensuite j'ai regardé son clip College Boy et j'ai fait. Oh, bizarre. En même temps, tout L'horreur. ce qui vient d'Indochine, faut pas écouter, hein. Non, Faut pas mais écouter d'Indochine. franchement, ce clip-là aussi, c'est à chier, quoi. Vraiment, je déteste son esthétique à ce mec, mais elle est infâme. Ah, mais ça je peux comprendre. Ah oui, Ça, c'est infâme. une question de goût. Oui, c'est. Voilà, Mais non, mais moi. on est au cinéma pour voir du plan, des cadres, des Mais vrais cadres pas larges. forcément. À partir du moment où ça traduit quelque chose, bah, Mais putain, Non, mais c'est pas le premier film à montrer des trucs c'est genre un où. film, devant chaque scène, tu pourrais mettre un hashtag, oh, trop d'émotion. Putain. Non, mais après, tu dis que des plans qui traduisent quelque chose. Il se trouve que ma scène préférée de l'année, elle est dans ce film-là, c'est la scène où, j'en parle à beaucoup, beaucoup, c'est la scène où les trois personnages dansent sur Céline Dion. D'un côté, tu as Suzanne Clément qui est nouvelle venue dans la vie de ces deux personnes-là, qu'elle regarde avec un air un petit peu très timide, Elle mais en meurt même temps, d'envie, elle meurt d'ailleurs. d'envie. Et du coup, au tout début, tu as le cadre qui filme juste ces deux, qui sont, voilà, enfin, je veux dire, enfin, tu vois quand même Et là, il y a un Antoine sens. Vépilot. Là, pour moi, je suis désolé, il y a de la mise en scène. Hein. Il y a de la mise C'est en scène, et la après, façon c'est de comment Dolan. découper comme ça les visages et puis le finir par les réunir comme ça. Enfin, Ouais, faut pas être il un intègre. ignare pour faire ça. Donc bon, c'est la preuve qu'il est quand même pas trop con et puis il est pas, voilà. Donc C'est du cinéma superficiel. Alors, Alors, je sais pas qu'est-ce que si. alors? C'est du faux cinéma. Mais y a des centaines de films superficiels alors. Enfin, Non, c'est du faux cinéma. C'est superficiel c'est du faux cinéma. dans tout le procédé, dans toute l'idée. Tu sens que c'est du faux. Il y a rien, de concret. C'est vraiment, t'as l'impression que c'est un film. Mais ouais, putain, c'est un truc de gamin sur Facebook, quoi. C'est vraiment, moi, je trouve ça effarant de conneries. Moi, honnêtement, je sais pas si c'est un idiot ou si c'est un génie. Pour moi, je vois juste un cinéaste quelconque qui me livre un film inspiré avec de Ah. l'émotion. Moi, voilà. Après, bon, Parfait. que ça touche ou Moi, pas, je suis complètement d'accord avec que ce que ça tu dis. touche ou pas, je peux comprendre. Après, tout ça Ah reste oui, une non, mais question de ça, goût. c'est Et sûr. on est là pour en Moi. débattre. Y a vraiment pas de problème. Mais par contre, c'est vrai que sur le coup, avec tes propos, je me dis merde, c'est dommage. J'ai l'impression que t'es passé à côté Mais de oui, quelques détails qui parce qu'en sont pas fait, la négligeables quand même. manière dont Non, tu je suis passé à non, le côté de truc, c'est rien. Non, parce que en fait, le problème, c'est, enfin, la manière dont tu en parles, c'est vraiment, c'est pas parce seulement le, en plus, on sent bien que t'as des références parce que tu bosses là-dedans, mais le truc, c'est que tu t'en parles, mais on a l'impression que tu dissocies pas ton avis objectif de ton avis personnel. Non, mais en plus, ce qui me saoule, c'est que ça traite d'une génération que j'aime pas. Mais oui, mais pourtant elle est là, quoi. Ça traite, c'est comme Spring Breakers, ça traite de personnages, de personnes réelles que je déteste, une génération que je hais. Mais oui, mais ça, mais oui, que mais ça c'est, n'adresse, c'est... non, mais que ça, il y a aucun discours en fait. Ça essaie, et pourtant, ça si essaie, on a du, du discours, ça essaie. Mais non, il y a pas de discours parce qu'il bien faudrait sûr le que si. critiquer, ça. Il y a Mais rien, il le il y a pas de critique. critique de Mais ça. la critique du film, c'est justement de montrer. Bon, bah, tant pis, je tombe dans spoiler. Mais la critique du film, c'est justement de montrer que, ben non, en fait, finalement, c'est pas possible. Ils peuvent, ces deux personnages, ils peuvent pas cohabiter ensemble parce que, ben, il y a la société qui fait que aussi. Et il y a, et puis oui, puis ce personnage-là, il est pas apte à vivre avec sa mère parce qu'il est peut-être trop dangereux pour elle. Malgré qu'il lui porte de l'amour, parce que ça, on le voit dans le film aussi. Ouais. C'est un personnage très particulier, c'est sûr, mais qui a des vraies émotions. Et voilà. Pour moi, le discours, il est là. C'est de montrer clairement que malgré tous les efforts qu'on peut faire, parce qu'il y a des familles comme ça, il y a beaucoup de parents, beaucoup trop, qui ont des enfants comme ça, qui n'arrivent pas à gérer, et certains, ils ont même pas de problème psychologique, et ça, c'est encore pire. Ouais, comme ça, ils vont dans des téléréalités pour se faire aider par des coachs. Ouais, bah oui, bah malheureusement, ouais. Et oui, bah, parce qu'il y a des parents très cons aussi. Mais merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, c'est la force du film, elle est là, c'est de montrer que, bah oui, malgré les efforts que l'on peut faire, parfois la fatalité est inévitable aussi. Et c'est pour moi, c'est un constat glaçant. C'est un constat glaçant de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans certains foyers et puis de la société en général, quoi, avec tous ces jeunes qui se nourrissent d'absurdité à la télé, de trucs comme ça, parce que le personnage de, comment, je sais plus comment il s'appelle, Olivier Pilon. Oui, voilà, Steve. Enfin, de Steve, voilà, c'est la métaphore de plein de choses, donc non, moi je m'arrête là parce que de toute façon, je comprends. Si je comprends ton avis, mais je l'accepterai pas. De toute façon, je pourrais pas l'accepter. Fais gaffe, de toute façon, c'est pas, ça change. Isabelle Adjani a déclaré qu'elle ne parlait plus aux personnes. Ouais, elle est con, elle aussi. Hein. Ça, oui, mais alors ça, c'est complètement idiot parce qu'après, on peut très bien parler. C'est pas parce qu'on s'entend pas sur un film qu'on peut pas avoir de. Pour pas parler autrement, mais voilà, on n'a pas le même avis et c'est tout, c'est comme ça. Bah... pas grave, Florian, on n'a pas de cœur tout simplement. Non, mais c'est je pense que c'est une des mais bon, dernières après, fois. Voilà, c'est une des dernières fois que tout je parlerai que tu de nous ce film. Pas quoi. pour des grogniers parce que nous on a aimé. Non, vous pouvez, mais moi ça m'avait juste atterré à la fin de la séance quand tout le monde s'est mis à applaudir et que je voyais des gens autour de moi. Ils regardaient, ils comprenaient pas, et puis ils se mettaient à applaudir par automatisme. Bon, ça, c'est... ça par contre, c'est un peu con. Ouais, non, mais c'est la réaction de tout ce qu'il y a eu aussi. Ça n'a fait que attiser ma colère aussi, ça, de voir tout ce consensus complètement ridicule autour d'un film. Bon, je crois qu'on a perdu film, Axel et Quentin. Non, on n'est pas mort. désolé, hein, c'est en sortant. Là, ils sont en deux, ils ont sorti des popcorns, ça y est. On assistait à un film en direct. Désolé. Hein. Alors, j'espère que j'ai choqué personne dans ce que j'ai pu dire. À ceux qui nous écoutent, parce que bon, c'est. Ah mais t'inquiète pas, Xavier Dolan, là, il est déjà en procès avec Florian. Là. C'est bon. Florian, tu te retrouves au tribunal dans une semaine. Je te pas bien. J'espère qu'un jour je vais pas le rencontrer. Ça va partir. Je pense qu'il a pas envie de te rencontrer. Ça va partir tout seul. Quoi. Bizarrement, je pense qu'il sera pas ravi de te rencontrer non plus. Non, voilà. Si Xavier Nolan nous entend, s'il veut me rencontrer, il n'y a pas de problème. Et s'il peut inviter Suzanne Clément, il n'y a pas de problème. J'en serai... Sinon, je critique son prochain film, je le dis direct. Moi, je leur fais une tartiflette quand ils veulent, je suis un pro. Ils peuvent venir manger à la maison, il n'y a pas de problème. Ouais, non. Donc, ben, ils ont voulu tuer la liberté d'expression, et ben voilà. On a eu un bel exemple de liberté d'expression, et ça, c'est, enfin, c'est quand même. C'est pas le moment de récidiver parce qu'on vous envoie Florian, vous allez prendre cher, les gars. Donc, on était au numéro 4 de Quentin. Je ne sais même plus où on était. Et on passe au numéro 4 de Morgane. Ouais. Alors, numéro 4 de Morgane, qui est moi, un débat sur Momi avec Florian, je peux vous garantir qu'on n'en sort pas indemne. Donc, le numéro 4 pour moi, c'est The Raid 2. Ouais. Et bien, et que je voulais absolument pas voir. Et ben, moi, c'est pas que je voulais pas voir, c'est que le premier m'avait pas laissé des souvenirs mémorables que j'avais. Ah, moi, je me suis pris un coup pendant la gueule. C'est... Alors, moi, le premier, ça a été un point, mais c'était un film qui était monté à la manière d'un jeu vidéo, donc c'était clairement désiré par le réalisateur. Mais je trouve que le film souffrait d'un côté un peu, je me répète. Je l'ai revu et ça perd de sa puissance. Ouais. Ouais, je pense qu'une fois, ça suffit. Alors que The Raid 2, eh bien, c'est clairement, c'est la suite directe, hein, ça, on va pas se mentir, mais c'est clairement une autre façon de mettre en scène un film d'action. Je me suis pris une claque énorme, déjà, c'est un film qui dure 2h30, donc ça me faisait un peu peur. C'est quand même le premier durait 1h30, donc, 1h, voilà. Mais là, il y a quand même un scénario qui est classique, disons les choses franchement, mais, voilà, avec des scènes d'action mais inspirées, référencées. J'ai même vu des références à Star Wars. Donc toi Axel, tu es fan de Star Wars, il y a quand même que tu as pas... Ah oui, c'est pas faux. Ouais, c'est avec pas faux, d'accord. À la façon dont le personnage. Ouais, d'accord, c'est pas faux, ouais. C'est clairement un Jedi qui manie un sabre. Avec des scènes vraiment mais grandioses que j'avais pas vu depuis Kill Bill. Les combats finaux là, les deux combats, exactement. Voilà, c'est un film aussi que par rapport au premier où c'était plus un jeu vidéo, on va dire très fun, là c'est plus un film vraiment de cinéma hyper profond qui ose des références comme je l'ai dit, Star Wars, ouais. Kill Bill, Barry Lyndon, on entend quand même la musique de Barry Lyndon à un moment donné. C'est un film qui est pas révolutionnaire en termes de scénario, mais alors en termes de mise en scène, je me suis pris une claque et enfin ça fait du bien de voir un film d'action où on comprend parce que moi les films d'action, ce qui se passe. Je ne sais plus qui court après qui, surtout dans ces cas-là, dans les films d'arts martiaux. Il n'y a pas de la jump cut dégueulasse. Non, la Expendables de merde. Ouais. Exactement. Et là, c'est un film c'est un film assez violent. C'est un film qui prend pas de gants, mais qui, pour moi, en termes de mise en scène, c'est vraiment. C'est une claque, quoi. Inattendu, alors que le premier m'avait juste amusé, celui-là m'a fait un choc. Moi j'ai vu la critique dans le cercle. Alors les images que j'ai vues, non, ça va vraiment confirmer que je voulais pas voir ça. C'est un film tellement tellement jouissif, mais en même temps qui veut tellement bien faire que tu peux pas ne pas aimer, en fait, parce que c'est un film de passionné, quoi. Si on peut ne pas aimer si on n'est pas la violence brute comme ça. Moi, qu'est-ce que j'aime ça, quoi. C'est vraiment. Moi, c'est vraiment tout ce que j'exècre, quoi. Ouais. La violence brute est. Bon, je pense pas qu'elle soit gratuite. Oui, voilà, c'est ça. Non, elle est pas gratuite. Je pense pas qu'elle soit gratuite dans ce film, mais c'est vraiment. Ça fait du bien. Hein. Ouais, c'est un peu le film de catharsis, quoi. On regarde ça. Ah, bah, totalement. Ouais. C'est un exutoire, quoi. Ah, ouais, non, mais en même temps. Mais en même temps, il y a quand même un scénario qui est pas mal, avec des personnages, vraiment, avec des personnages. Des méchants assez charismatiques, quoi. C'est ce qui manquait au premier, quand même. On sort quand même de l'espace assez. On était assez. Cafétré, ouais, on était enfermé. Là, c'est vraiment. Enfin, de ce que j'ai vu de la bande-annonce, c'est assez ouvert, en fait. Il y a même des courses-poursuites en bagnole. Il y a des trucs. Ouais, très bien foutu, en plus. Ouais. Ah oui, non, mais clairement, je m'y attendais vraiment pas, et je trouve que voilà, le meilleur film d'action de l'année, il est là. Ah, bah, clairement, ouais. Ouais. Même si il a été tellement téléchargé qu'il a fait un flop. Ça, c'est dommage. Bah, en même temps, il passait pas beaucoup. Enfin, chez moi, il passait pas, alors que pourtant. Ouais, malheureusement. Donc voilà. Voilà. Si quelqu'un. Enfin, non, t'en as parlé, Florian. Donc, ouais, non, c'est bon, je dirais rien. Okay. Il est pas dans mon top. Ouais, bon, enfin. Ouais. On passe au numéro 4, Florian. Bah, numéro 4, Gone Girl, et je sais qu'il est dans le top d'autres, je pense. Hein. Ouais, est-ce que Quentin, t'es là? Non, il est parti. Je pense qu'il est parti quelque il boire a fait un comme. coup, ouais. Ah non, j'allais spoiler. J'allais spoiler. Ouais, moi, il est dans mon top. Attends, merde, j'ai plus où que je l'ai foutu. Moi, il est deuxième. Et il est deuxième, moi aussi, voilà. Il est deuxième. Oh, bah, dis donc, il dit. Bah, moi, il est premier. Voilà, donc, bah. Ah oui, premier. Quentin ouais. aussi. On parle de quoi? Gone Girl. Devine. Un petit film pas connu d'un réalisateur qui a fait deux. Qui a fait que des daubes. David Fincher, cas où. Bah, donc, du coup, je vais faire concis pour Gone Girl. Je pense que c'est. Oui, enfin, oui, c'est l'aboutissement du travail de Fincher depuis Zodiac. C'est-à-dire qu'il a cherché à aller encore plus profondément, à s'immiscer dans nos sociétés, dans leur fondement, dans le côté un peu. Dans le fait qu'on est tous un peu très parano. Et par exemple, avec The Social Network, il avait été encore plus loin. Je trouvais que c'était, à l'époque en tout cas déjà, je trouvais que c'était son aboutissement. C'est-à-dire que c'était un film ultra, mais ultra bien rythmé, qui était extrêmement critique de la société d'aujourd'hui, très cynique, qui avait vraiment un vrai pouvoir qui nous renvoyait comme Men, Women and Children, qui nous renvoyait vraiment à notre condition d'utilisateur d'internet et tout ça quoi. Et là avec Gone Girl, c'est comme si en fait les personnages de Social Network avaient grandi, mais de manière complètement ingrate. Donc tous les personnages sont atroces dans Gone Girl, ils sont tous détestables. En particulier celle qui se prend en selfie avec Affleck, qui est absolument représentative du film. Tout le film est comme ça construit. Quelle mais alors, subtilité sérieuse. C'est d'une subtilité à toute épreuve. C'est absolument bluffant en termes de réa, même si je comprends que certains aient trouvé que ça ressemblait à un téléfilm. Mais bah, j'ai eu beaucoup de critiques comme ça, mais beaucoup n'ont pas bah, eu moi, je, moi, je, la moi je photo. Regarderais plus la télé s'il y avait tout le temps des téléfilms de cet voilà, acabit là hein, moi aussi, mais beaucoup n'ont pas aimé l'esthétique, ouais. Préférant des trucs à la Wes Anderson, quelle horreur, ouais. Paul W. Anderson plus. On va pas s'entendre là hein. On va pas s'entendre non. Ouais, le film est extrêmement concis dans son montage. C'est d'une qualité. Il a même pas besoin de générique en fait. C'est un de ses premiers films sans générique, je crois, si je dis pas de conneries. The Game n'en avait pas, je crois. Mais il y a pas de générique. C'est extrêmement subtil, quoi. Et on sent en plus que bon, on l'a tous vu, mais bon, je veux pas spoiler, mais on sent qu'il y a un truc qui va arriver au milieu de l'intrigue. Ouais. Et ça va encore plus loin, quoi. Et moi, je m'y attendais pas à ce que ça aille encore plus loin. Moi, je m'y attendais parce qu'il l'avait dit. Il l'avait dit dans une interview. Il y avait un twist, mais je m'étais pas renseigné, moi. Et... Mais il voulait pas. Enfin, il a mis un twist parce que il y avait un twist. Mais il disait que le film ne reposait pas là-dessus de toute façon. Je pense. Enfin, je finis vite fait. Je pensais pas qu'il ferait un film aussi cynique et aussi. Critique du couple et de notre société actuelle, quoi. Ouais. Bah c'est ça, moi non plus. La ouais. J'en ai là, pas pensé. La comparaison avec un téléfilm que certains, voilà, un téléfilm aurait mis ce twist à mi-parcours, il l'aurait mis à la fin. Ouais. Et ça aurait été un truc complètement banal, complètement con et attendu. Alors que Fincher, moi, quand j'ai vu ce twist que j'attendais quand même, parce que avant de voir le film, on s'y attend pas. Mais quand on voit le film, quand on voit un peu le contexte, le pourquoi, du comment, on s'y attend. Et quand il arrive, moi j'avais un goût amer dans la bouche, je me suis dit, oulala, Fincher, il est en train de me décevoir. Et quand je comprends qu'en fait. En fait, et même sentiment que Quentin. Ce n'est pas, ce n'est pas du tout un thriller c'est pas un thriller sur le couple, mais c'est un film sur le couple. C'est un film miroir en fait. C'est qu'est-ce que l'Amérique aujourd'hui? Mais c'est ça. C'est qu'est-ce que le couple parfait? Enfin, comment aussi c'est un film sur l'utilisation des médias. Comment c'est un film qui est tellement ancré dans la réalité. Je n'ai jamais. Il y a, c'est le y a film le plus aussi lucide de l'année. C'est un film aussi sur le renversement du pouvoir des sexes aussi. Oui, c'est vrai. Qui est très actuel, quoi. Ouais, aussi, ouais. C'est extrêmement fort, Ça quoi. fait, ça, Enfin, ça le fait un peu, bus. ça s'est passé près de chez vous, quand tu Ouais. disais Morgane. Le film, en plus, il est très drôle, quoi. Mais c'est d'une Oui, il y a des qualité dans moments. l'écriture. Ouais, Il y a des scène moments où d'interview est j'étais absolument mort de magnifique. rire. Ouais, l'interview, la préparation à l'interview m'a Ouais, le bluffé. show chez la Ouais. cruche américaine qui était à son Ouais. show TV, là. Et puis l'actrice est tellement Ouais, bien tout. Ouais, trouvée en plus. vraiment super, Même quoi. beau regard. Et en parlant Ouais, d'actrice, c'est ça. justement, je pense que Rosamund Pike, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que. Ouais, c'est Ah, mais moi aussi. franchement, je sais pas ce qui s'est passé parce que moi je me souviens d'elle dans Meurs un autre jour et Oui, mais comment moi aussi, c'est ce elle que était j'ai à cité dans la chier. critique. Ouais. Qu'est-ce qu'elle était mauvaise. La preuve Et que Fincher, là, bah, laisse pareil tomber. pour Ben Affleck. Ben Affleck, pour moi, en Ah oui, termes il est de génial. réalisateur, le gars se démerde très bien. Mais alors en termes d'acteur, moi j'ai le souvenir du mec qui m'avait pondu un Daredevil complètement naze et qui me sort la prestation masculine la plus dingue de l'année. C'est Fincher a le don pour faire pour voilà pour utiliser ses acteurs avec Mais en fait, il pique au bon endroit sur Pour moi, ses Fincher, acteurs. c'est le Hitchcock Ouais. de. On l'a, notre Il est, Hitchcock, il est là. voilà, c'est le Hitchcock d'aujourd'hui et Tout Ben à Affleck est pince sans rire, tu sais, comme un James Stewart, quoi. Ou Ouais. Oui, c'est un vrai. Cary Chaque Grant. détail, enfin l'image culte, enfin l'image que tout le monde avait vue dans le film, c'est Ben Affleck qui sourit alors qu'il y a Ouais, le portrait de voilà. sa femme derrière qui a disparu. Et t'es persuadé que. Mais oui, c'est absolument, mais c'est incroyable. Et Rosamund Pike, mais oui, c'est l'héroïne hitchcockienne, puis elle est blonde, on le savait. Blonde, ouais. Et donc non, non, c'est pour moi Fincher a fait ce que j'appelle pour moi c'est l'apogée du thriller. Voilà, aujourd'hui le genre de Ouais. thriller que j'aime voir, c'est Ouais. ça. Bah du coup moi je propose, je dirais rien de plus parce que c'est vraiment ça. C'est voilà, moi le thriller c'est vraiment un genre vers lequel je me rapproche de plus en plus et c'est vraiment tout ce que j'aimerais voir tout le temps dans un thriller. Enfin pas tout dans la même chose mais c'est vraiment ça quoi. En tout C'est cas, tourner de cette manière-là voilà, avec la mienne. fait avec autant d'adresse, Oui, d'habileté précisons qu'on sait que Fincher et de est un. minutie quoi. C'est un film de maniaque. Ah mais Ouais. Fincher est un Et maniaque Fincher, toujours. C'est un Et maniaque, ça, de toute mais c'est manière. pas, mais c'est ce que moi c'est ce que je trouve fort, c'est que c'est souvent le problème, c'est que quand t'es très maniaque comme ça, trop minutieux, tu fais des films qui sont froids. Et là, c'est pas le cas du tout, je trouve, parce que les personnages ont beau être hyper austères et tout, le film l'est pas. En fait, et c'est Oh, vraiment. j'ai hâte de le revoir du coup. Ouais, non, mais J'ai vu qu'une moi fois c'est le hein, en film que pourtant. j'attends le plus de revoir. J'ai été le voir 4 fois. Je l'ai vu qu'une fois en plus en VF. Et du coup, je suis vraiment très impatient de le voir en C'était VO. bien, moi Ouais, j'ai aimé la la VF. VF, c'est pas grave. J'ai jamais rien contre la VF en général, mais Ouais. un grand film, une claque, mais. Il est mis en VO. Ouais, bah moi j'attends de le Ouais, les meurs revoir. de. Et donc voilà, ouais. C'est vraiment très bon sur le couple Ouais, aussi. dans C'est vrai tout. qu'il faut pas, enfin c'est vrai qu'il faut pas oublier d'en parler quoi. C'est sur le couple, on s'attend pas à ça quoi. Surtout pas Ouais. dans ce film-là. C'est une vraie surprise et ça Parce que fonctionne à fond. et surtout que ça fait. j'ai jamais pensé que Fincher un jour allait me parler du couple. Tout mais Ah, pas, enfin tout le monde mais pas lui quoi. y avait un vrai effet en plus sur le public quand je l'ai vu, c'était complet et il y avait beaucoup de couples dans la salle et les gens se Ouais. regardaient Non mais quand ils sont. avec des drôles de têtes à la fin. Quand ils sont Ouais, sortis, c'est là qu'on est c'était content, enfin en tout cas pour moi, je suis content d'être célibataire quand je vois ce film-là. À l'époque. Ouais, donc je pense que tout a été dit, enfin, juste est dit. On n'aura jamais tout Non, non, dit. mais c'est ce qu'on avait fait quand on avait fait le podcast, là. On avait fait Ce sont, c'est pas 50 possible. minutes de Enfin, discussion sur c'est. Gone Girl, et là on peut repartir sur 50 minutes, Oui, 1 heure mais on va sur peut-être Gone éviter parce Girl, que. mais ouais, on va éviter, je crois. T'es sûr? On est Mais désolé d'avance, voilà, hein. non, mais donc c'est un film, moi je trouve parfait. Je trouve pas comme Eddie et Morgan Mommy parfait. Je trouve que Gone Girl est parfait. Ah mais Ah, pour moi moi, ils le sont tous les deux. Momomi J'ai... est pas pour moi il est pas parfait hein Momi hein. Ouais. Attention hein. En termes d'émotion il est parfait. Alors il faut savoir que j'ai quand même bien Comment il ramé. cale ça dans la conversation? J'ai quand même bien ramé pour faire parce que moi j'étais prêt pour faire un ex aequo. C'était Gone Girl, Momi, top 1. Ouais. Je dis tu vas trancher hein. Oui. Hein. C'est voilà. J'ai tranché. Finalement le On film se de cœur ça perd. reste Momi. Mais alors Ouais. en termes de cinéma ce que j'aime voir au cinéma bon bah c'est les deux mais Gone Girl ouais pour moi là je peux objectivement Non dire mais que Gone attends, Girl est et un film deuxième parfait. dans un classement, C'est c'est... Enfin, hein? Il est premier dans mon cœur avec Momi, je le dis, voilà. Ouais. Non mais enfin, c'est cinglant, c'est cynique, c'est tout ce qu'on peut, enfin tout ce que j'aime dans le cinéma, c'est même poétique dans un ouais, mais sens. Y a T'as une part de, je trouve, comme y a ça, beaucoup de. d'humour noir, vraiment, mais très, enfin très glauque. J'avais dit pendant la critique, enfin devant Whiplash, j'avais des réactions physiques, mais là j'avais des réactions à l'intérieur de mon estomac, enfin à l'intérieur de mon corps. C'était, enfin j'avais vraiment envie de vomir pendant cette scène, enfin pendant cette séance. C'était insoutenable la tension qu'il y avait pendant cette séance, en fait, pendant ce film. Quand je suis sorti, j'étais, enfin, c'était pas démoralisé, hein, mais j'ai vraiment eu l'impression de voir un grand, grand film que je suis très, très impatient de revoir. Et enfin, pour moi, c'est le meilleur film de Fincher. Alors que je suis un très, très grand fanboy de Fincher. Ouais, j'admire tous ses films, mais là, c'est vraiment les détails qu'il a mis dans ce film. À mon avis, on peut le revoir 100 fois, on n'aura jamais tout vu. Je pense que, enfin, c'est ce que j'avais dit dans ma critique, c'est. Ouais, ouais, c'est vrai. Enfin, voilà. C'est bah, ça, oui, de toute façon, donc, c'est une spécificité de son cinéma. Voilà, donc pour moi, c'est le meilleur film de l'année, voilà. Quentin, vas-y, je sais que c'est aussi numéro 1 pour toi, donc. Ouais, bah, franchement, vous avez dit, donc je vais ouais. pas. Ouais, et puis de toute façon, on avait déjà fait je une. Vais Ouais. Je vais pas m'étendre, jusque. Parce que voilà, dis-le à Rosamund Pike, t'es amoureux. Ouais, voilà. Dis-le, dis-le. Il attend que ça, il veut le casser. Voilà, c'est clairement toi le film qui t'a le plus touché cette année. Enfin, c'est même pas. Oui, enfin. C'est clairement ça. Le personnage d'Emmy Elliott Dunn est limite devenu mon personnage préféré du 7ème art, maintenant. Ah bah quand même, j'ai vraiment été proche de ce personnage. Non, pas dans un. Non, attends. Ah parce qu'attends, attends, dans le podcast, il nous a quand même dit oui. Ses limites, il comprenait pas ses actions, s'il les acceptait pas. on s'est un peu inquiété, hein, on va l'avouer. Mais bon, apparemment, il va pas trop mal quand même, donc bon. Non, mais. Ton jeu de Skype est en Gone Boy, on va devoir s'inquiéter. Elle a des. Voilà, enfin, elle est comme un conte, quoi. Enfin, elle, bref, voilà. Elle est persuasive. Enfin, voilà, elle a de très bons atouts, Rosamund Pike. Enfin, bref, oui, donc, c'est pas évident. Donc, Rosamund Pike est absolument génial. Voilà. Tu l'aimes, Ouais. Voilà. Vous l'épousez. Ouais. Et le fait pas. Non, évite, hein, par contre. Quoi? Non, c'est pas. Putain, conseil. Non, non. Et encore merci, madame. En tout cas, nous, Fincher. On n'ira pas à ton mariage. Ouais. Si Fincher écoute, moi aussi je fais des super quiches. Pas compris, moi. Il aime la quiche, Fincher? Non, mais. c'est ta propre. Axel Kirchmeier. Non, c'était pas ça. C'est... Ah non, c'était pas grave. En plus, c'était Eddie qui avait dit je fais des quiches pour Dolan, donc moi je fais des quiches non, pour. Une tartiflette, pardon. Oh, voilà. C'est pas pareil. Ouais, non, voilà. Moi ce sera simple. Ouais. Voilà, mais. Bref, voilà. Des croque-monsieur. Ah, des croque-madame. Bon. Arrêtez avec mes croque-monsieur. On prend une émission culinaire la prochaine fois. Et je sais plus, on en est où? Donc, on est au numéro 4. Non, 3. 3. C'était à moi, donc c'est à toi, Axel. Mais mon 3. Vu que tu as Gone Girl aussi. Non, mais. Oui, toi, t'avais dit 3 en Gone Girl, c'est ça? Non, 4. 4 Gone Girl. 4 Interstellar. On passe à Eddie, 3. Last Days of Summer. Oh, donc, je sais que c'est assez surprenant parce que c'est pas un film gigantesque. Mais alors moi, c'est ça. Alors, je m'attendais vraiment pas du tout à ressentir autant de choses devant ce film qui finalement très simple quoi. Et ben en fait, c'est la simplicité du film qui m'a touché. Et puis le Kate Winslet que je trouve absolument magnifique. Pour moi, c'est vraiment son plus beau rôle avec The Reader que j'avais trouvé excellent aussi. Donc voilà, j'ai pas envie de, je vais pas ouais. m'étendre plus que ça, mais c'est voilà, moi c'est un film qui est d'une simplicité vraiment très très efficace et qui fonctionne vraiment sur tout ce qu'il entreprend. Je trouve c'est je sais pas, j'arriverai pas à dire qu'est-ce qui je sais pas, voilà. Mais j'avais jamais ressenti autant d'émotions devant de la pâtisserie. Enfin, c'est devant la scène où ils font une tarte aux pêches là. Donc ouais, je sais pas. Non mais moi c'est vraiment ça, c'est un film que j'ai conseillé, que certains ont écouté mes conseils, j'étais content. Mais oh ouf. Et donc voilà, moi ça m'a énormément touché. J'ai pleuré à chaudes larmes devant ce film parce que il y avait des moments très très très très beaux et très durs aussi. Et je pense que ça tient vraiment au personnage surtout, en fait. Mmh. Donc voilà. Donc je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Moi je le verrai, Moi je valide. Il était 10e de mon top Mais avant t'avais adoré Splash. Ouais, c'est un film qui m'a. J'ai été surprise parce que j'étais persuadé que tu détesterais. Ah non, mais moi un film avec Josh Brolin et Kate Winslet, puis de tarte à la pêche. J'aime beaucoup la pêche. Et voilà, pour faire un jeu de mots avec les fruits, j'ai failli tomber dans les pommes en voyant Kate Winslet et. Bon. Il s'arrête jamais. Il faut mettre des bruitages. Ouais. Tu sais le truc de la batterie là. Donc, maintenant on passe à Quentin, ton numéro 3. Mon numéro 3 c'est les Gardiens de la Galaxie. Ok. On passe à ton numéro 3, Morgan. Ouais, c'était Pride. D'accord. Ton numéro 3. Je crois qu'on a fait. Ouais, vas-y, on finit. Florian, ton numéro 3. Mon numéro 3, c'est Still the Water. Ah non, on n'a pas parlé de celui-là. Oh. De Naomi Kawase. Mm-hmm. En partenariat avec les Somnifères de France. Voilà, donc c'est un film qui s'est encore fait déboîter. Qui a quand même vachement divisé. Il y a beaucoup qui ont aimé et il y en a qui ont détesté. Alors nous, on a Ménaru, mm-hmm, qui a écrit sur le site et qui a été vraiment très très partagé. Ouais, moi ça a été une surprise parce que déjà je suis en train de découvrir petit à petit là, le cinéma asiatique et notamment japonais, et celui-là m'a vraiment marqué, mm-hmm, parce que en plus j'aime pas du tout, il y a une scène justement dès le début du film où il y a une chèvre égorgée. Ah non, bah moi je qu'on égorge face à l'écran, mais justement je déteste ça aussi parce que ça brise complètement la frontière quoi. C'est avec que moi je fais vraiment un blocage là-dessus quoi. Les animaux c'est pas possible. Et en fait ça m'a choqué dès le départ et ensuite le film m'a emporté parce que c'est un film extrêmement humain en fait. C'est vraiment un film qui justement nous remet face à notre humanité, notamment dans la mise en scène qui est extrêmement intelligente, toujours à hauteur d'homme, la caméra est toujours à hauteur d'homme. C'est pas non plus ultra ridicule dans la manière de présenter parce que c'est un film un peu écolo, mais c'est pas un film ridicule genre qui présente la ville, en tout cas Tokyo vu qu'on est au Japon, qui présente Tokyo comme une ville polluée et tout pleine de saloperies. Non, quand ils vont à Tokyo, ils présentent des petites rues. Ils présentent, je crois que c'est Shibuya, le quartier de Shibuya, un quartier très vivant, très agréable, etc. C'est vraiment agréable. On y découvre toute une tradition japonaise, toute une manière de voir les choses. Et c'est vraiment un film agréable qui. Bon, après, on se laisse emporter ou pas, quoi. Ça a l'air assez poétique. Mmh. Ouais. Moi, j'avais vraiment envie de le voir. Je voulais le voir et j'étais assez refroidi par les retours. Les scènes de vie sont vachement jolies. Il n'y a pas d'effet de style, il n'y a pas d'esbrouf. C'est simple, quoi. Et c'est vraiment un très, très, très, très beau film qui m'a vraiment marqué, quoi. J'ai vécu une très belle séance. D'accord. Donc, mon numéro 3, c'est Mommy. On passe au numéro 2 de Eddie. Numéro 2, c'était Gone Girl. Donc, on a déjà parlé. Numéro 2 de Quentin, c'est Whiplash, normalement. Oui. Voilà. Numéro 2 de Morgan. Un petit film pas connu qui s'appelle Gone Girl. D'accord. numéro 2 de Florian. Sils Maria, donc on en a déjà parlé. D'accord. Et mon numéro 2, c'est Whiplash. Numéro 1, Eddie, c'est Mommy. Numéro 1, Quentin, c'est Gone Girl. Numéro 1, Morgan, c'est Mommy. Numéro 1, Florian, c'est Eden. Voilà. Voilà. Voilà. Vas-y. Donc, explique-nous quel est ce film parce que j'en ai jamais entendu parler. Voilà. Voilà, encore une fois, un film qui s'est pris une branlée dans les critiques. C'est le plus beau film que j'ai vu cette année, puisque alors c'est un film donc français qui tente entre guillemets, mais c'est pas vraiment le but en fait, de dépeindre la scène de la musique électronique en France dans les années 90 jusqu'à entre guillemets aujourd'hui quoi. Mais c'est par le biais, par le récit de, en fait, c'est Sven Hansen Love, si je dis Sven Love, frère, Maya Hansen Love, la réalisatrice, voilà. Ah, donc voilà. C'est son frère en fait qui était DJ dans les années 90, au début justement de l'émergence de cette scène. Donc il a connu, côtoyé les Daft Punk, etc. Enfin, il a été assez connu jusqu'à ce que, bah, en fait, il arrête parce que ça ne marchait plus, quoi. Mm. Et en fait, justement, Eden, c'est vraiment un film sur l'évolution de la musique électronique, en tout cas, d'aujourd'hui, quoi. C'est un film outre le sujet qui est vraiment cool, mm-hmm. Qui est vraiment très bien fait, sur la scène électronique, qui est vraiment bien dépeinte. C'est un film extrêmement vrai parce que c'est vraiment la méthode de Mia Hansen-Love. J'ai regardé un autre de ses films qui s'appelle Un amour de jeunesse. Et en fait, les acteurs, le casting est pas très bon. C'est pas des acteurs professionnels pour la plupart. En tout cas, j'en ai pas l'impression. Ils sont notamment, le personnage principal, c'est un jeune étudiant de Sciences Po. Et donc c'est pas toujours très juste, mais en fait c'est un film extrêmement vrai. C'est vraiment un style de cinéma du réel, je trouve. C'est justement le fait que ça soit pas toujours juste qui fait ressortir, voilà, le côté réel. Qui fait ressortir tout ça, ouais. C'est un film qui m'a vraiment mis sur le cul parce que ça arrive à toucher un truc que peu de films arrivent à faire. C'est extrêmement simple. Elle pose sa caméra de manière simple. Il y a jamais d'effet de style. Et pourtant ça paraît tout ce qu'il y a de plus naturel, c'est comme une seconde peau quoi, chez elle quoi, chez Mia Hansen-Love. Et je sais pas, il y a un truc, ça touche au sublime, je trouve, ce film. C'est difficile à expliquer parce que c'est vraiment magnifique, et en plus c'est un récit de désillusion sur la quête de l'artiste quoi, parce que vraiment la musique électronique elle a un petit peu elle est un peu tombée, voilà quoi, ouais. Avec justement l'arrivée de certains artistes. Et justement, tout le film, au départ, le film met en avant le DJ, l'homme, pour ensuite montrer qu'il ne reste plus grand chose aujourd'hui. Enfin. Mm. Et la bande-son est la meilleure de l'année. Elle est absolument sublime. La musique qui accompagne les scènes est absolument sublime, quoi. C'est un choix. Elle a fait un super choix dans toutes les chansons. Qui peuvent voilà quoi, qui vraiment ramène à toute cette période quoi. Donc c'est vraiment le meilleur film que j'ai vu cette année quoi. Mmh. D'accord. Ben moi franchement j'ai vraiment envie de le voir. Enfin il est juste pas passé et j'en ai rarement entendu parler. En fait je me suis intéressé quand j'ai vu que tu avais dévoilé dans ton top. J'étais curieux de voir la bande annonce et puis ben, ça m'a vraiment intéressé. Je suis vraiment impatient de pouvoir le voir en fait celui-là. Parce que... Mais le film a beaucoup déçu parce que les gens disent qu'il n'y a pas de scénario et pas de dramaturgie. Ah. Et je trouve que c'est faux, c'est pas vrai. Mais c'est chacun son truc. Hein. Ouais. D'accord. Ben voilà, on va finir avec ces tops, avec mon numéro 1 qui était Gone Girl. Voilà, donc on vous donne rendez-vous pour les flops. juste après dans un autre podcast parce que les tops ça a été assez long ça a été oui. Ouais, et donc voilà on vous donne rendez-vous pour le prochain podcast sur les flops, voilà. En tout cas c'était très intéressant, ouais, je trouve, ouais. Très long, désolé pour ceux qui ont écouté, pour celui qui va monter aussi ouais. J'ai une pensée pour lui. Ouais. Non mais enfin voilà, donc on se retrouve pour le prochain podcast qui aura les flops, les surprises, les déceptions, les attentes 2015, voilà tout ça. Qui sera plus court, c'est promis. Mm-hmm. Ouais, ça c'est sûr. Et ouais, donc c'est moi le monteur qui a souffert durant le montage de cet épisode. et qui va souffrir pour le prochain qui arrivera très bientôt, ça je vous l'assure, espèce de junkie du podcast. Donc ce montage devrait avoir lieu dans quelques jours, mais avant de conclure cette émission, parce que je l'ai conclue rapidement, vite fait, donc je voulais vite revenir sur quelques petits détails à propos de l'émission. J'espère déjà qu'elle vous a plu, hein, n'hésitez pas à dire dans les commentaires vos tops, hein. On n'a même pas proposé ça durant l'émission parce que je vais vous le dire, quand on a fini de tourner juste les tops, il était 1h30 du mat à peu près, et on avait encore les flops, les déceptions, les bandes son, les bandes originales et nos attentes pour 2015 enregistrées. Donc ça, ce sera pour le prochain podcast. On a fait plus court que les tops, bien sûr. Bien sûr, il y avait ce grand débat, enfin ces deux grands débats, mais plus un grand débat qui ressort de ce podcast, c'est celui sur le film Mommy. Donc, Florian a exprimé son opinion, tout le monde a exprimé son opinion comme il voulait. Bien sûr, je me marrais juste derrière mon micro, c'était juste trop marrant de les voir se battre sur ce film. Mais voilà, donc. Bien sûr, c'était pas, je me marrais pas parce que c'était pas contre eux, hein, bien sûr, c'était juste l'ambiance qu'il y avait. C'était assez marrant et avec Quentin, on se parlait d'ailleurs sur Skype, c'était assez rigolo. Juste pour un peu adoucir, bien sûr, on n'est pas en guerre, hein, rien du tout. On est tous amis avec nos amis de Néocritique. Voilà, c'était juste un point que je voulais clarifier. Et un autre point qui m'a choqué pendant que j'étais en train de monter le podcast, c'est que j'ai parlé de Dolan et de prétention. J'avais dit que comme il filmait, c'était prétentieux. Et alors que quand j'y repensais, quand je me suis écouté, ça m'a un peu interpellé parce que j'ai pas, enfin je pense pas trop ça. Donc c'était sûrement la fatigue, c'était juste pour vous clarifier que Dolan, j'en pense pas du mal, c'est un bon gars, apparemment, moi j'aime bien ce qu'il fait, et donc tout le monde a le droit à son opinion pour Dolan, bien sûr. C'est sûr que ses apparitions publiques ne sont peut-être pas aussi bien reçues que ses films, c'est pour ça que ça fait un peu le débat. Mais c'est ça qu'on aime aussi. J'ai dit beaucoup de « du coup », comme je le dis souvent. C'est un tic de langage. Donc, je vais arrêter de parler parce que ça fait bien... Là, ça va faire un podcast de 2 heures. Je voulais juste rajouter cette petite précision à propos de Mommy et de Xavier Dolan. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, je vais le dire là, puisqu'on ne l'a pas dit à la fin de l'émission, à aller voir le site neocritique.fr, à aller sur leur Facebook, leur Twitter, les suivre. Tous les liens sont en bas. Je fais tomber mon crayon en même temps. Tous les liens sont en bas dans les notes de l'émission sur le site moviesnerd.net que je vous invite à aller regarder pour les dernières critiques, les derniers podcasts et encore plein de nouveautés qui vont arriver dans les prochains jours et prochains mois. On vous réserve plein de surprises. N'hésitez pas à aller nous suivre sur Twitter, Facebook, etc. Vous connaissez le blabla habituel. Le plus important, c'est que vous continuez de nous écouter, vous continuez de nous lire. Et ça me fait super plaisir. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci encore à nos amis de Néocritique. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site parce qu'ils sont vraiment sympas et ils ont de superbes critiques là-bas c'est des amis, donc on n'est pas concurrents du tout dans cette moi je le ressens pas du tout comme ça, donc c'est juste pour faire un peu de pub pour les amis, pour des gens qui font quelque chose de qui font la même chose que nous mais qui le font peut-être un peu différemment. Si ça vous intéresse, leur point de vue, etc. N'hésitez pas à aller voir leur site. Maintenant, je me rends compte que ça fait 5 minutes que je suis en train de parler tout seul devant mon micro et je vous ennuie peut-être. Donc, du coup, je vais vous dire à la prochaine, à dans quelques jours, pour la suite et fin de ce bilan de l'année 2014 de l'équipe Movies Nerd, accompagné de Florian et Morgane de l'équipe Néocritique. Salut. Thank you. Mm-hmm.